In the Star, les Peak Avengers sont de retour en 2023, plus fast and furious que jamais. Et oui, le jeudi soir, les Peak Avengers sont de retour, évidemment, ça ne change pas, le rendez-vous est toujours là. Votre émission, si vous l'acceptez, est d'informer le monde entier sur la pop culture d'ici et d'ailleurs. Vous disposerez de casques, de micros et d'un rayonnement international avec la couverture d'Indestar. C'est pas un peu trop leur demander d'informer 8 milliards d'humains et de couvrir l'intégralité des films, des séries, des mangas, de la musique, des jeux vidéo, tout ça? Bah, c'est les Peak Avengers ou c'est pas les Peak Avengers? Eh oui, les Peak Avengers, donc ce soir, on va parler films un petit peu aussi. Vu qu'on va voir, donc. Bon, vu comment tu l'as fait, Daniel, je pense que tout le monde a compris que nous allons parler de Fast and Furious. Ah, je pensais que c'était Speed, moi, mais bon. Ah, Fast, Speed. Mais Speed and Curious, ça. Ça fait très curious, en effet, ouais. Oui. Et ça y est, le fail reste fort. Oui, donc. Bah. Merde, je sais plus où j'aurais été. Non, mais ça fait très curious, en effet. Ouais, hein, voilà. Oui, ça, y a pas de doute. Je suis curieux, ça n'a pas changé. Donc, ouais. Évidemment, donc, première émission de 2023. Donc, on vous souhaite à tous une bonne année, en espérant que ça réussisse mieux que 2022, quand même. Ouais, quand même. De toute façon, si on sait que c'est une année de merde, allez, hop, on marche dedans dès le premier jour. Ah, et puis voilà, et puis on traîne son boulet. Et Thierry, comme d'hab, bim, je m'en branle, j'y vais à fond. Et puis voilà. Non, mais parce que se mentir tous les ans, là, de se dire, allez, ça va aller de mieux, etc. Et autant se dire, allez, ça va être la cata. Comme ça, si on a des surprises, elles seront forcément bonnes. C'est vrai que vu comme ça, c'est bien vu. Donc non, mais vous pouvez mettre aussi les pieds dans les Peak Avengers. Hein. Oui, bah, faut toujours quand même. C'est toujours être là. C'est un peu plus jaune. Ouais, un peu. Donc, évidemment, donc il y a Pika qui est toujours là, toujours présent, toujours en train de faire la tête, on dirait presque quand même. Oui, mais. Oh, jaune comme un soleil, et puis il est perché là, tu ouais, vois. C'est ça. Ouais, peut-être qu'il a le vertige, c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression qu'il fait la tête, on y a jamais demandé. Oui, mais... Peut-être, hein, va hein savoir. Ouais. Après, il aime pas les attaques sol dans les jeux, donc. Ah ouais. Mais ouais. Il est fort contre les types vol. Va falloir qu'on enquête là-dessus, hein. Ouais. Ah. Bon, c'est lui qui va nous produire du courant pas cher. Ouais, ouais. C'est ouais, ça. C'est vrai qu'on est bien équipé avec lui, hein. Mais à côté de toi, il y a Bébert aussi. Oui, nous sommes orphelins de notre stagiaire. Hein, J'allais dire de notre Lisa nationale, autrement. Oui, Lisa, tu vois, tu nous manques. Oui, bah, elle n'est plus stagiaire, elle peut revenir comme titulaire. Oui, non, hein, mais oui. Maintenant. Ça sera pas plus cher pour la radio. Non, évidemment. Oui. Complètement. Alors, n'y voyez aucune relation de cause à effet, mais pour remplacer Lisa, nous avons mis Bébert avec un casque. Hein. Oui. Voilà. Ouais, on se dit c'est fun avec un casque. Écoute, il y a Bébert là qui est à terre, ça fait la vie en rose sur terre, et puis t'as le soleil en haut, Pika. Ben voilà, ouais, avec Pika. Comme ça. Il y a tout qui va ensemble. Mais oui. Complètement, oui. Oui. Si vous vous sentez pas très bien, venez nous voir, il y a 3-4 sièges ouais. Là, pour le public. Là. Oui, il oui. Y en a 3-4. Bon, on peut mettre des fauteuils aussi à côté, autour de la table. Puis si vous n'avez pas quoi faire, il y a un aspirateur, vous pouvez le passer. Peut-être pas pendant l'émission, mais bon. Ouais. Évidemment. Non, mais finalement, les gens, on leur propose de faire comme nous. Vous venez en spectateur et vous finissez en animateur. Et vous finissez en ouais. Passant l'aspirateur. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'animateur et spectateur, ça rime. Comme aspirateur. Aspirateur. Comme aspirateur. Voilà. Vous finissez en aspirateur. C'est ça, il y a tout qui allez, rime. Mange la poussière. Alors ça rime pas, par contre. Non, mais on n'a rien d'autre à offrir à manger, a priori. Donc, ça va être la poussière. Il y a peut-être des trucs tombés sous le tapis. Hein. Ouais. Il y a des choses qui tombent du camion, d'autres du tapis. Ouais, va savoir. Complètement. Donc oui, ce soir, donc l'émission Fast and Furious sur les films. Oui, je vous l'avais dit, ils sont Fast and Furious. Je sais pas si ce sera Fast, mais je me sens un peu furieux. Ouais, oh là. Là, il va être furious. Je sais pas, j'ai cette espèce d'humour qui remonte là, qui a besoin de sortir. Comme chaque jeudi soir, c'est ça? Oui. Hey. Bah, je retiens pendant les 6 autres jours, et le 7e jour, ça sort. Quoi. Ouais, faut te lâcher. Voilà. Donc il me semble qu'on avait parlé d'un petit truc à faire dans la présentation, sinon à voir. Oui? Oui? Oui? Oui? Oui, absolument! Donc Thierry, tu nous avais préparé. Il y a plusieurs choses, c'est que j'avais envie de dire en fait bonne année, mais quand vous le voulez, parce que en fait, peut-être n'avez-vous pas été curieux de regarder un petit peu l'histoire des calendriers, mais le début de l'année n'a pas toujours été le 1er janvier en fait. Il y a eu plein de choses différentes. Ouais, ouais. Et notamment au 6e et 7e siècle, là ça commence à remonter un peu. Ouais, un petit peu. Bah, le 1er de l'an, c'était le 1er mars. Et puis au 10e siècle, ben, c'était à Pâques qu'on fêtait le début de l'année. Et puis il y a eu un moment où ça variait selon les régions. Alors évidemment aujourd'hui on peut voyager tellement vite que ça serait pas possible, c'est forcément uniforme, mais à l'époque où les régions fonctionnaient un petit peu justement au niveau régional, comme si c'était des pays différents, quoi. Les régions bon. Au niveau régional. Ouais. Ben oui, genre, enfin, le pays fonctionnait un peu, comme les châteaux étaient des villes, quoi, je dirais. Ça fonctionnait un peu indépendamment. Bon, on a eu Lyon qui fêtait le 25 décembre, on a eu Vienne dans la Drôme qui fêtait le 25 mars. Voilà, ça dérangeait personne d'être à différentes. Mais moi, j'aurais trouvé ça drôle aujourd'hui de se dire, eh bien, je peux faire des petits voyages et puis je vais fêter le début de l'année toute l'année. Mais en même temps, quand j'ai bossé là-dessus, quand c'était vraiment le premier de l'an, j'ai dit, tiens, je veux commencer à bosser là-dessus, j'ai rien d'autre à faire. Et je me dis, tiens, on voit tous les jours, on nous dit, tiens, dans tel pays, on fête le début de l'année. Il y a quelques décalages quand même. Il y a des gens qui ont pris l'avion pour aller fêter plusieurs fois le début d'année, quoi. Ça me rappelle une anecdote à l'époque du passage à l'an 2000. Oui. Il y a des gens qui avaient prévu un truc, donc ils étaient dans des îles du Pacifique, les premières ou en Australie, je sais plus, qui passaient au début à l'an 2000. Ils se sont dépêchés de prendre un avion pour retourner un peu plus loin dans le Pacifique en 1999 pour refêter le passage à l'an 2000. Ouais, bah pourquoi pas. Ouais. De toute façon, avec les décalages horaires, pourquoi pas. Et donc c'est Charles IX le premier qui a décidé en fait d'uniformiser, mais en fait derrière il est passé la Révolution française qui a un peu bousculé. Donc il y a eu plusieurs étapes avant qu'on arrive vraiment à ce qu'on a aujourd'hui. Mais il y aurait d'autres choses avec les calendriers qui fonctionnent, certains calendriers lunaires, d'autres donc nous solaires. Et puis vous avez selon les religions. Oh, regardez le Nouvel An chinois, il y a un décalage tous les ans parce c'est qu'on jamais est aussi pareil, sur jamais, le mode plutôt lunaire, 350 jours de 365 ou quelque chose comme ça, ou 250 jours, je crois, enfin je sais plus, mais il y a un décalage comme ça. Mais selon les religions aussi, selon les pratiques, ben vous avez des décalages aussi parce qu'on n'honore pas la même chose. Donc ça reste encore très varié. Et je parlais de décalage horaire, les fuseaux horaires, et bien il y a des endroits où ça ne fonctionne pas. Je crois que c'est en Chine où on devrait avoir des décalages, mais en fait on n'en a pas. On a plusieurs fuseaux qui devraient être présents, mais on a décidé que les zones seraient au même fuseau. Donc c'est très complexe en fait le temps. Mais on aura une émission sur le temps, donc je regarde tout plus ça. Tard. On va écouter une musique quand même. Donc c'est bien aussi la musique. Ouais, après tout, tiens, c'est pas idiot, oui. En plus, Gomard, à ta manière. Et on revient juste après pour Twitch. Il y a des choses auxquelles on croit, et puis celles auxquelles on renonce. Il y a des questions qui s'éloignent avant d'avoir trouvé des réponses. Oui, ton cœur accélère, mais c'est pas de ta faute. Normal à ton âge de t'enfer, tu t'enflammes, tu t'enfer, et l'enfer c'est les autres. Normal si tu penses que ça déraille, mais sache mon cœur que celui qui te blesse n'est pas de taille. Perds pas de vue que tu as de la chance, tout ira bien tant que tu te lances. Posé sur la table, c'est deux, trois choses qui pèsent. Enterré dans le sable, tout ce qui est ordinaire. La seconde qui vient est bien meilleure qu'hier. Y'a pas vraiment de phrase pour se dire comment faire, mais tu peux suivre les autres, essayer de leur plaire. T'es bien mieux quand tu fais les choses à ta manière. La seconde qui vient est bien meilleure qu'hier. T'auras toujours tes rêves pour te servir de repère. Fais-le à ta manière, à ta manière. Fais-le à ta manière, à ta manière. Fais-le à ta manière. Il y aura ces nuits éphémères et ces histoires qui résistent. Il y aura ces moments où tu perds, où tu trembles, où tu flanches, où tu gagnes, où tu triches. Si tout ça te paraît flou, tu finiras par comprendre qu'il faut plus de courage pour se donner que pour se rendre. C'est jamais simple quand les autres s'éloignent, mais rien ne peut vraiment se défaire tant que tout se soigne. C'est normal de penser que ça déraille, mais sache mon cœur qu'elle a aussi ses failles. Je t'ai posé sur la table ces deux, trois choses qui pèsent. Enterré dans le sable tout ce qui est ordinaire. La seconde qui vient est bien meilleure qu'hier. Y'a pas vraiment de phrase pour se dire comment faire, mais suivre les autres, essayer de leur plaire. T'es bien mieux quand tu fais les choses à ta manière. La seconde qui vient est fais-le à ta manière, à ta manière. Les Peak Avengers, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. En tout cas, c'est sur Indestar, ça c'est certain. Oui, bah, ça n'a pas changé depuis qu'on est revenu. Bah, je sais pas vous, mais j'en ai bouffé plein des chocolats. Ouais, moi aussi. T'as été Fast and Furious, enfin on a tous été Fast and Furious pour les bouffer apparemment. Très fast. Oh, ouais. Moi j'étais un peu Furious aussi sur les chocolats. Ouais. Oui. Et si on commençait par des petites anecdotes quand même sur les films? Oui, qu'on commence bien tranquillement l'année. Ouais, bien tranquillement, commencer par un truc calme. Ouais. Ça a changé. Ouais. Enfin, calme. Je sais pas si on peut dire qu'on est très calme, mais bon, ça c'est autre chose. Complètement. C'est bien de venir avec l'excitation de faire l'émission, sinon c'est pas trop la peine. Hein. Bah ouais. C'est ah putain, on va encore se faire chier. Oh merde, encore ça à faire. Non, ça c'est dans les autres. Ah non, c'est vrai. Non mais t'imagines, tu dis ça, mais. Il y a des gens qui nous écoutent, et ils se forcent à nous écouter, ils doivent se dire « Ah, ils nous emmerdent, va encore falloir les écouter, hein, si ça se trouve. » Et en plus, vous pouvez écouter le direct, réécouter le podcast encore et encore. Ouais. Oui, on peut réécouter le podcast. Vous pouvez partir en vacances avec nous. On peut écouter le podcast, on peut revoir la rediff Twitch pendant une semaine. Ouais, vous pouvez mettre le podcast en boucle si vous voulez aussi. Vous pouvez faire un blocage sur image et vous imprimer, vous affichez ça sur chez vous. On se te dit pas la galère. Ah bah ouais, non mais ça serait bien. Fléchette après, c'est pas grave. Ça serait bien que les gens ils nous aient en poster tous les trois chez eux quand même. Hein. Ce serait vachement bizarre quand même. S'il y en a un qui le fait, qui habite pas loin, je suis prêt à venir le dédicacer. Donc, qui habite pas loin, pour rappeler, on est sur Amboise. Donc, absolument, ouais. Donc, ceux qui le font, bah, vous aurez le droit à une dédicace de Thierry. Voilà, donc ça vaut quelque chose. Ça, il n'y a aucun doute. Anecdote, donc, oui, tu commences ou je commence, Daniel, vu que tu avais l'air bien parti. Alors. Oui, par exemple... Bon, bah, il commence, alors. Par exemple, je vais commencer. Tiens, alors, Fast and Furious, bon, ceux qui connaissent la saga savent que ça tourne autour des voitures. Hein, des tutures. Des voitures, comme j'ai l'habitude de dire, d'une manière générale, des beaux châssis et des belles carrosseries, n'est-ce pas? Oui. Hein. Et de la vitesse, donc, forcément. Absolument, oui. Pour Fast and Furious 8, le réalisateur Justin Lin, qui en a réalisé plusieurs, il a fait un casting pour les voitures. Ouais. Alors, les voitures ont dû se présenter Oui, mais le mieux, c'est que les gens, donc ceux qui venaient, qui voulaient faire aussi pilote, en fait, ils venaient avec leur voiture pour passer le casting. Donc, c'était le pilote et la voiture qui étaient retenus. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Ouais. Ah. T'imagines la personne à qui on dit « La voiture convient bien, par contre, bah, vous allez nous trouver quelqu'un. » Vous, ça passe moins. Alors, t'imagines. Certaines fois, oui, il fallait le pilote. D'autres fois, c'était que pour la voiture, en effet. Hein. D'accord. Ouais. À qui le tour? Je me suis lancé. À qui Enfin, je ne sais pas si vous avez tous les détails, mais ça a un côté intéressant de se dire aussi peut-être, dis donc, vous êtes pas mal, mais on ne vous voit pas dans cette voiture-là, mais peut-être dans une autre, tu vois. Ouais. Non, mais remarque, moi, je m'imagine, tu te rends compte, j'ai tourné dans Fast and Furious 8. Non, excuse-moi, c'est pas moi, c'est ma voiture qui a tourné. Oui, elle a tourné sur un circuit. Ouais, aussi. Oui. Voilà. Bah, on va continuer avec les voitures aussi. Ouais, par exemple. Donc, bah, forcément, la saga, tout le monde connaît Paul Walker aussi dedans. Ouais. Et l'ancien, on va dire, qui est un des personnages principaux avec Brian O'Connor. Ouais. Et bah, lui, il a prêté plusieurs des voitures de sa propre collection pour les films. Il a osé, lui. Ouais, il a osé, lui. Quand tu vois ce qu'ils font avec certaines voitures, il y a des fois, t'as peut-être pas Tu devais avoir un peu les chocottes quand même. Petit peu. Remarque, c'est peut-être lui qui les conduisait, ce qu'il faisait, et que... Ah, ça peut aussi, hein. Ils en ont abîmé beaucoup, des voitures. Oui. Ouais, ils en ont cassé. Parce que je me dis, dans ce que vous m'avez donné, là, quand je vois plus de 300 voitures ont été utilisées pour le tournage de Fast and Furious 8, et 300 voitures... Ah non, pas obligatoirement, non. Non, il y en a qui ont été castées, là, comme je disais à l'instant, justement... Mais après, dans Fast and Furious 8, faut pas oublier qu'il y a une scène où, justement, c'est un parking, et t'as toutes les voitures qui sont télécommandées de loin, qui sont piratées et qui tombent après. Donc il y en a pas mal quand même qui sont utilisés. Ah oui, puis ça peut être simplement des voitures garées comme des figurants, quoi. C'est ça. D'accord. Mais tu te rends compte? Oui, donc ça peut monter vite, 300 voitures, ouais, effectivement. Non, parce que je me disais, ils en ont bousillé combien là-dedans, là? Beaucoup. Surtout que les Américains, ils ont un budget voiture cassée pour les films, hein, quand même. Oui, bah, il y a un budget, oui. Ouais, contrairement à chez nous, eux, ils n'hésitent pas. On doit casser tant de millions de bagnoles, on va casser tant de millions. On casse plus les gueules, ça coûte moins cher. Ah, complètement, oui. C'est ça. Ouais. Tu parlais justement, Kevin, de Paul Walker. Bon, bah, les amateurs de la série savent que malheureusement, il est décédé avant la fin de la saga. Et bon, ce n'est normalement un secret pour personne qu'il y avait vraiment une très très grosse amitié entre Paul Walker et Vin Diesel. Oui. À tel point que quand Vin Diesel est devenu papa, la maman s'appelant Paloma Jiménez, je le précise quand même, et ben en hommage à Paul Walker, il a prénommé sa fille Pauline. En hommage donc à Paul Walker. Ah, il l'a pas appelé Paul. Non. Non, non, il aurait pu l'appeler Paul, mais apparemment aux États-Unis, Paul, non, ils prennent pas le prénom. Donc, non, ça ne prend pas. Non, non. T'as le droit à May, April, June. À tout ce que tu veux. Nancy, Paris, mais apparemment Paul, non. Non. Ah, non, c'est le pôle Nord et le pôle Sud, peut-être, je sais pas. On ne sait pas. Non. Moi, tiens, je vais continuer avec la scène du tank dans Fast and Furious 6. Ouais. Eh ben, c'est pas un effet spécial. Hein ? Et oui, cette scène-là, donc, on va prendre franchir deux gratte-ciel à Dubaï, une course-poursuite sur la banquise, parachuter des voitures d'un avion. Toute cette scène-là, sans exception, ont été tournées avec des effets spéciaux. Ouais. Mais la scène du tank dans Fast and Furious 6, il traverse littéralement l'autoroute, le tank. C'est en vrai qu'ils l'ont fait, alors. Oui, ils l'ont fait en vrai. Mais alors, dans le Fast and Furious suivant, le 9, là où il y a une scène dans l'espace, c'est vrai espace ou c'est en studio? Non, celle-là, c'est fait spéciaux aussi. Bon, là, non, parce que jusqu'où sont-ils allés, quoi? Un tank dans l'espace? Ah non, bah... non, le tank, c'est, il a juste traversé l'autoroute. Hein. C'est ça. Voilà. Dans Fast and Furious 6, il a... Bah, juste... Bah, je te dis pas la vitesse, déjà, que ça a dû prendre, vu que, bon, un tank, ça va pas non plus... Ouais. Oui. Mais donc voilà. La préparation, quand tu vois ça, donc oui, ça a dû être. Ouais, ça devait être pas mal à voir. Ils ont refait l'autoroute après, non? Ouais, je pense. Je pense, en effet, ouais. Thierry, as-tu repéré quelque chose? Là, jusque-là, je rebondissais par rapport à ce que vous disiez, mais après, il y a que vous disiez, mais attends, il y a plein d'autres choses. Vin Diesel se surnomme le visionnaire de la saga. Il aide à la création de la structure du scénario, donne son avis sur le casting et participe à la sélection des chansons pour la BO. Ah, il va jusque-là? Ah ouais. Ouais. Plein de rôles en plus de d'être à l'écran, évidemment. Oui, il a vraiment, oui, quand il dit le visionnaire, c'est. Il a. Ouais. La main un peu sur tout, un peu. Oui, effectivement, oui. Ouais, il y en a plein. Je dirige, je donne mon avis. Ouais, je pense qu'en plus, après la disparition de Paul Walker, il s'est peut-être senti, lui. Ouais, peut-être un peu plus concerné aussi. Voilà, oui. Ça, c'est. Non. Est-ce que vous saviez qu'il y avait une référence à Star Wars dans Fast and Furious 5? Non, vas-y. Le nom complet du personnage de Han, qui est justement un personnage japonais, d'où mon maillot du Japon aussi. Ah, oh le détail, wow. Vu qu'on peut se dire maillot de foot Japon, oui Thierry, vu que tu regardes en plus, mais... Non, je pensais que Honda, c'était le nom de la tondeuse. Justement, c'est ce que j'avais montré, vu que le nom du joueur que j'ai derrière, c'est Honda. Ouais. Donc il y a même ce gag-là. Et donc, le nom complet du personnage de Han, c'est Han Seul Ho. Ah, Han Solo. Voilà, Han Solo. D'accord. Je voudrais rebondir quand même sur la blague avec la tondeuse à Thierry. Oui. Les habitués de Twitch ont dû remarquer que t'étais rasé, donc la tondeuse... Oui, en plus. Voilà. Et je peux vous dire que ça fait bizarre, vu que... plus rien. Je me disais qu'il y avait un truc. mais parce que ça fait quoi? Ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vu. Je me suis dit, c'est bizarre, mais Kevin, il a changé. Attends. Mais je me rappelle plus, en fait, j'ai pas les photos d'avant. Et bien, c'était ça. Et pour cause, hein, oui, voilà. Hein, t'es tellement habitué... Même moi qui suis habitué à le voir, qu'il l'ait déjà vu raser, là c'est vrai que ça fait le rasoir, il a subi sa deuxième mort, troisième mort, je sais pas. Voire 4 même, hein, là, à ce niveau-là. On l'a envoyé en hôpital psychiatrique, il s'en est pas remis le rasoir. Hein. Ouais. Il n'y a pas que le rasoir qui s'en est pas remis. En tant que l'émission n'est pas rasoir. Oui. Ah, complètement, ouais. Et donc, pour finir, Daniel, une petite dernière pour toi. Ouais, alors, il y en a une qui m'a beaucoup amusé quand même. Elle concerne Dwayne Johnson, oui. Alias The Rock. Oui. Dans Fast and Furious 7, dans le 7e, à un moment donné, il est à l'hôpital. Oui. À l'hôpital, on le voit, il regarde un match de football, donc football américain, pas du soccer. Et il y a des petits malins qui ont remarqué une chose. Oula. C'est que ce match qu'il regarde, en fait, c'est un match de l'université de Miami de 1993. Ouais. Hein, donc Fast and Furious 7 qui... T'as dit 8 tout à l'heure, il me semble. 7, bon, c'est le 7 alors. D'accord, hein. Donc c'est le 7. Donc 7 qui a été tourné, qui est sorti sur les écrans pardon, en 2015, donc plus de 20 ans après, après le match. Qui était de 93. En fait, Dwayne Johnson joue dans le match, il est sur le terrain. Ah d'accord. Ah ouais, là, fallait vraiment l'observer, voilà, là, quand c'est même. C'est vraiment un petit caméo et fallait vraiment savoir que c'était ce match-là. Hein, que, d'accord. Donc voilà, il y a plein de clins d'œil dans... Les petits détails. Voilà, oui. Des petits détails. Des petits détails qui méritent en fait qu'on met ça. On s'y attarde. On se dit même des fois pour les livres ou les autres films de revoir ou de relire plusieurs fois pour voir ce genre de choses. Hein, et il y a des gens qui sont embauchés à la télé qui sont spécialistes de ces petits détails. Moi, je pense à Thierry Métral. Je sais pas si vous avez déjà vu chez Ruquier ou d'autres. C'est un gars en fait. Il est chargé de trouver les petits détails ou ce qui se passe en fond en fait que souvent on ne remarque pas. Hein. Ah, c'est lui on qui est, fait on, ça, on est attentif à l'histoire générale, ouais. Aux personnages principaux, ouais. Au premier plan, mais en fait tout a son importance. Et lui, il regarde tous ces petits détails et il nous montre les choses au ralenti pour nous montrer ce qui se passe derrière. D'accord. Okay. Et ben, on va se laisser en musique. Alors, qu'est-ce que la musique ? Ah, franchement. Ah, c'était pas la question existentielle. Qu'est-ce que la musique ? Je me dis, qu'est-ce qu'il attend là ? Alors non. Donc on va écouter Nola, Alors, qui est une reprise de Big Flo et Oli. Ok. Et on revient juste après. Alors, dis-moi que t'es resté avec elle. Tu me disais c'est la bonne, bordel qu'elle est belle. On faisait le monde sur le canapé de l'appart. Maintenant je voudrais savoir où tu te caches sur la carte. Alors, on s'est promis de pas se lâcher. Alors, et je crois bien qu'on s'est raté. T'as changé de numéro ou t'avais pas envie de me parler quand je t'ai appelé, hein. Alors, on devait faire le tour de la terre. Tu sais moi ma valise est encore prête. Et si jamais tu nous reviens, est-ce que je vais te reconnaître? Faut pas qu'on laisse pourrir nos promesses, non. Alors, t'es où? Tu manques, c'est fou. J'y pense chaque jour, je te vois partout. Ils disent que tu reviendras pas, que t'es malade, t'es mort. J'aimerais que tu sois là juste pour leur donner tort. Alors, dis-moi qu'est-ce que tu deviens. C'est vrai, ça fait longtemps. Alors, dis-moi qu'est-ce que tu deviens. C'est vrai, ça fait longtemps que tu dis rien. J'ai cherché dans le quartier, mais non. J'ai fait le tour de la terre, mais non. J'ai demandé à ta mère, mais non. Pas de nouvelles. J'ai attendu tout l'été, mais non. J'ai espéré tout l'hiver, mais non. Et comme dit le proverbe, pas de nouvelles. Alors, t'es parti chercher ton Eldorado. Tout le monde t'adore, on te kiffe à mort. T'es peut-être à Bora Bora en maillot ou en tongue. Si c'est une de tes blagues, celle-là, elle est trop longue. Alors, dis-moi qu'est-ce que tu deviens. C'est vrai, ça fait longtemps. Alors, dis-moi qu'est-ce que tu deviens. C'est vrai, ça fait longtemps que tu dis rien. J'ai cherché dans le quartier, mais non. J'ai fait le tour de la terre, mais non. J'ai demandé à ta mère, mais non. Pas de nouvelles. J'ai attendu tout l'été, mais non. J'ai espéré tout l'hiver, mais non. Et comme dit le proverbe, bonne nouvelle. Hey les amis, la pop culture, c'est Peak Avengers sur Indestar. Je m'appelle Henri. Alors t'as oublié de couper, Daniel. Réussir ma vie, être non, la musique. Ça y est, c'est bon. Ça a réussi, c'est bon. Coucou, on est là. Alors, on revient de loin, mais c'est normal. Vitesse grand V. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, après tout ça, tu vas nous parler un peu d'un film. D'un des films de la saga. Tu vas nous parler duquel? Alors, le deuxième, Too Fast, Too Furious. D'accord. C'est un des deux où on ne voit pas le duo Paul Walker et Vin Diesel. Donc Brian O'Connor et Dominique Toretto. Merci Kevin, ça de me rien. Permet de trouver tes mots. Voilà, oui, c'est vrai que j'ai parfois malheureusement encore le défaut, mais bon, je n'y peux rien, c'est comme ça. Et ce film, même s'il est un peu des fois un peu à côté quand même de ce qu'il y a, bon, ça aurait très bien pu être un spin-off finalement. Oui. Mais j'adore l'ambiance de ce film. On est quand même dans Fast and Furious, les voitures, comme je dis toujours, les beaux châssis, les belles carrosseries. On est aussi avec une opposition de style entre celui qui était flic intègre, mais qui est quand même un peu pris par le fait de ne pas lâcher soit ses copains, ceux qui sont devenus copains, ou ceux avec qui il a vécu. On a le mauvais garçon qui est pas le gros dur, par contre. Je dirais pas forcément le mauvais garçon, quand même. Je dirais plutôt le blagueur, quand même. Oui, non, mais au début, il a le rôle du mauvais garçon. Et ouais. Puis finalement, comme tu dis, c'est pour ça que j'étais un petit peu embêté. C'est bien que tu... Après, il prend la côte... Mauvais garçon, quoi, rebelle ou mal barré? Mal barré. Mal barré, oui. Dominique Toretto, c'est un peu le rebelle, plus le rebelle, quand même, je pense. Oui. C'est plus Toretto qui est mis dans ce rôle-là. Ouais. Et après, Roman Pierce, justement, qui est le copain de Brian qu'on va voir dans le film, qui prend le côté blagueur, second degré, qui prend tout. Oui, complètement. Qui en veut à Roman Pierce, justement, ça commence... À Brian, tu veux dire. À Brian. But where is Brian? Ouais. Si Roman s'en veut à lui-même, c'est compliqué. Brian is not in the kitchen. Non. But si on est un repenti, on s'en veut à soi-même. Oui, aussi. Ouais. Éventuellement, oui. Et donc, Roman Pierce qui a fait de la tôle, lui, qui en veut à Brian parce que pour lui, il l'a pas aidé ou il l'a lâché. Je suis en train de comprendre la différence entre taulier et taulard. Il a fait de la tôle. Non, bah parce que depuis un moment, là, je sais pas, je vois beaucoup de gens qui bossent dans les garages et je me dis, ils sont pas taulards. Peut-être pas, ou alors c'est le métier qu'ils ont trouvé en sortant, pareil. Parce que c'était proche, quoi. Bah, le taulier aussi, c'est le patron des fois, le taulier. Hein. Quand t'es taulier et taulier chez le taulier, c'est que t'es le... Voilà, ça fait beaucoup de trucs. Bon, revenons-en à Too Fast, Too Furious. Too Fast, Too Furious. Donc, cette histoire avec, en plus, le sacré numéro de charme, c'est Evan Mendes. Oui. Qui joue l'agent infiltré. Il y a une ambiance, je sais pas, c'est... Alors, on est quand même dans Fast and Furious. On a... je suis tellement toujours... Alors, je sais pas, t'as quoi ? T'as les ingrédients de base, mais ce qui manque, c'est de voir le couple d'acteurs, le duo d'acteurs, non. C'est ça ? Il y a... J'ai perdu mes mots, j'avais tout... Ah, t'as tout mangé ? J'ai tout mangé, oui. Ah, c'était bon ? Bon, on se repasse le film et on revient tout seul. Et au début, donc, ça commence avec un gros clash. Contrairement d'ailleurs aux autres, lui, il commence avec un gros clash finalement, parce que les autres, c'est pas trop le cas. Entre les héros. Dans le 1, il y a quand même un petit clash entre Toretto et O'Connor aussi. Ouais, mais pas dès le début. Pas dès le début, mais on va dire à leur deuxième rencontre. Ouais, oui, c'est vrai. C'est quand même... c'est pas la première, oui, c'est pas comme... Mais c'est vrai qu'on a l'opposition quand même, blagueur, le mauvais garçon qui est quand même blagueur, qui veut toujours montrer que c'est pas lui, que c'est pas de sa faute, qui remet la faute sur l'autre. Tout ce qui s'est passé sur l'autre, qui à la fin d'ailleurs dit, oui, effectivement, j'en voulais à moi-même, alors j'en voulais au monde entier. Et Roman Pierce, donc, qui arrive à Miami, qui découvre Miami, d'ailleurs, qui est franchement emballé par cette ville, par le garage de Tej aussi. Oui. Hein. Cette course aussi qu'ils font pour gagner les deux voitures est quand même assez extraordinaire quand ils prennent les deux voitures pour pouvoir organiser leur fuite, pour pas être... carrément suivi, parce qu'ils sont pistés, ils ont quand même deux voitures qui sont au départ bourrées d'électronique pour que le FBI puisse les suivre, mais eux ils veulent pas, comme ils disent, de se filer à la patte, être pistés. Et donc ils vont faire une course pour essayer de récupérer deux autres voitures. Voilà, et là aussi la course est assez extraordinaire. Hein. Alors aussi avec... C'est ça que je cherchais aussi quand même pour introduire quand même cet épisode dans lequel il n'y avait pas Dominique Toretto. Pourquoi il se retrouve tout seul là-bas et pour survivre entre les deux, entre le premier et le deuxième, il y a un petit quand même court métrage qui a été fait d'un petit quart d'heure montrant donc Brian O'Connor faire des courses pour pouvoir vivre, puis partir de Californie et arriver jusqu'à Miami où il veut rejoindre son ami Tej. Ses amis Tej et Shuki d'ailleurs. D'accord. Qui tient un garage. Donc c'est. Voilà, je. Ben finalement, je suis un petit peu ému d'en parler. Je suis un peu embêté parce que c'est un film que j'adore et d'habitude, j'arrive à vous retransmettre. Et là, j'avoue que j'ai quelques difficultés. Oui, ça se voit, ça s'entend. Ça s'entend, je suis un petit peu embêté. J'ai plein d'images dans la tête et j'ai un peu de mal pour les... Aïe, aïe, aïe, c'est compliqué ça. C'est normal, un film, c'est surtout des images, ouais. Mais c'est pas forcément évident à décrire. Voilà. Mais c'est une invitation à aller voir. Oui. Il y a aussi beaucoup de petites choses, comme là, Roman Pierce qui ne peut pas s'empêcher de faucher le coupe-cigare au méchant Vérone, je sais plus, Carter Vérone. Et donc le méchant, on le voit à Carter Vérone, il dit quand c'est à moi. Quand on porte un nom comme Vérone, ça sent la malédiction. Alors par exemple, donc là il y a une réplique de Roman Pierce qui est oui, bah, vous en aviez tellement, je pensais pas qu'un de moi ça allait vous gêner. Enfin, oui. Bon, c'est. Ah, moi c'est pas ma préférée dans le ouais. film. Ouais. Ma préférée c'est quand il rentre dans le QG du FBI, un petit peu tout ça, et le truc qui est un peu caché, qu'il voit un sac de fast-food qui commence à le prendre, que l'autre lui dit c'est à moi ça. Et alors ? Oui, il répond, c'est vrai, méchamment. Et alors ? Et hein ? Alors ? Ouais. Je m'en moque, je mange. J'ai faim, je mange. Il y a aussi une cascade, moi, qui me plaît, qui est à la fin du film. Qui est assez extraordinaire lorsqu'ils poursuivent le. Et d'ailleurs, qui a été reprise. Je crois que c'est eux, en plus, qui l'ont faite à l'origine. On le voit plus ou moins dans d'autres films. Quand il envoie la voiture dans le bateau. Oui. Pour monter sur le bateau. C'est. Bon, là, il y a une cascade de fou. Hein. D'accord. Ah, voilà. Comme je suis un petit peu coincé, là, je... Tu veux une musique pour t'en mettre ? Oui, je crois que je vais avoir besoin de... Ah bah, triple M. Oh là. Every Breath You Take. Ouais. Oui. Ouais, qui est un titre de Sting à la base, oui. de Police. Ouais, hein. C'est ça. C'est exact. Ça. Bah en tout cas, un nouveau collège en construction, un nouveau pas vers l'éducation. Bâti en panneaux de béton armé et tôles amiantées, il devrait permettre aux futurs élèves de respirer le sérieux de leurs études qui les mènera jusqu'à l'obtention de leur BEPC. Oui, enfin ça, c'était le projet initial. Depuis, ça a mal tourné. Des profs chelous, des élèves dissipés qui, on pourrait le croire, concourent à la plus mauvaise moyenne dans des matières qui parfois sortent totalement du cadre de l'éducation nationale. La classe, c'est à vivre mercredi dès 19h sur Indestar. Vous allez aimer retourner au collège. Every breath you take, every move you make, every bind you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. I'll be watching you, watching you, watching you. I'll be watching you. I'll be watching you. Every step you can take, every move you make, every bound you can break, every step you can take, every sin you can make, every word you say, every name you can make. I'll be watching you. Every move you make, every bind you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. I'll be watching you. L'agence touriste de la pop culture, c'est les Peak Avengers sur Indestar. J'adore quand Peak Avengers se déroule sans accro. C'est pas pour cette année encore que Peak Avengers va se dérouler sans accro. Enfin, sans accro, on n'est plus dans Fast and Furious. Oui, là, c'était non, mais j'ai été trop fast. Peu de cascade, les stuntmen. Là. J'étais trop fast and furious, c'est pour ça. Hein. Bah, qui dit cascade, dit vitesse aussi, Thierry. Oui, oui, oui. Alors moi, j'ai étudié un petit peu l'histoire de la vitesse. Je me suis dit, mais attends, aujourd'hui, là, on connaît les limitations 80, 90, etc. Bon, toutes les conneries à 30 aussi. Bref, mais ça remonte à quand tout ça? Et tiens, mais quand est-ce qu'il y a eu le premier PV? Enfin, je me suis posé plein de questions, puis j'ai été faire des petites recherches pour voir un petit peu d'où ça remontait. Ok. Et j'ai remonté jusqu'en 1889. Ça date pas d'hier, parce qu'on avait quelques véhicules, mais alors pas les voitures d'aujourd'hui. Hein. Oui. Mais bon, les véhicules qu'on avait, mais en fait, ils étaient limités à 20 km/h en agglomération. Alors, vous pouvez imaginer, on gueule après le 30, là. Et 30 km/h en campagne, ce qui fait que bah, si les gens allaient trop vite, on pouvait les arrêter. Et j'ai trouvé un nombre de véhicules, parce qu'il faut voir un petit peu, se dire, bah, aujourd'hui, il y a des milliers de véhicules. En 1893, on avait 1700 véhicules. Mais alors, éparpillés sur le territoire, bon, on sait pas ce que ça peut faire, mais ça devait être plus confortable en nombre. Par contre, on n'avait pas les routes qu'on a aujourd'hui. Hein. Faut imaginer ouais. un peu les chemins, les carrioles avec les grosses roues. Enfin, si vous avez regardé La Petite Maison de la Prairie, vous imaginez un peu. Oui, bah, un petit peu. Bon, et non, puis ça veut dire qu'il y avait plusieurs véhicules de différents qui se côtoyaient. Alors, est-ce que les normes à l'époque, j'ai pas été voir les véhicules, mais bon. Ah, le contrôle technique, bon. Ouais, alors justement, va y avoir des choses qui vont être mises en place pour mettre petit à petit des normes, et puis après, on va voir qu'on en met de plus en plus, notamment au siècle dernier. Mais là, je vais vous parler du premier PV parce que c'est le même siècle, en fait. Le 7 juillet 1898. En fait, j'ai trouvé plusieurs versions, mais il y en a une que j'ai trouvé peut-être plus crédible. Ce serait la duchesse Anne Duzès de Mortemont, quelque chose comme ça, qui aurait eu son premier PV parce qu'elle aurait dépassé la vitesse autorisée de l'époque qui était de 12 km/h dans sa ville. Non, mais on imagine qu'on se dit, mais comment c'est possible? Ben oui, pas avec un véhicule d'aujourd'hui, quoi. Oui. Et en campagne, on limitait aussi à 20 km/h. Voilà, alors ce que vous voyez, j'avais trouvé 20 et 30, bon, 12 et 20, on va dire, on va faire un à peu près, mais déjà, même 20 km/h en ville, bon, dit à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de véhicules. Bon, maintenant on peut se dire que si les routes étaient des chemins aussi, c'est vrai qu'il fallait pas forcément rouler très vite pour les défoncer, et d'une, et peut-être si on avait des roues en bois ou je ne sais trop quoi, pour abîmer aussi la charrette et ses occupants. C'est ça, peut-être pas d'amortisseur, parce que les motos à l'époque, j'imagine, pour être monté sur le tracteur de mon grand-père et dans une remorque derrière, et je me dis pourtant les gros pneus machin. Et tout ce qu'on sentait, hein, déjà, donc ouais, j'ose imaginer. Et alors, pour faire vraiment digression, je veux dire, le record actuel de vitesse terrestre, c'est-à-dire le véhicule le plus à la pointe qu'on a créé, qui a le nom de Thrust SSC, on l'a fait rouler, ce truc supersonique, à 1227 km/h. Hein, le truc qu'on a pu réussir à faire, mais alors il ressemble à une espèce de vaisseau avec des réacteurs et je ne sais quoi, mais bon, voilà, c'est terrestre. Je me dis, voilà, entre 12 km/h et 1227, il y a une marge. Hein, bon, légère. Bon, mais je trouve ça marrant d'avoir tout plein de choses différentes. Et j'avais envie de savoir un petit peu comment ça a commencé, parce qu'on s'interroge toujours un petit peu sur une des stars là où tout commence. C'est ça, ouais. Et c'est se content, dire, ouais. Oui, aujourd'hui, on voit l'énorme qui se rajoute, mais il y a bien eu un moment où on n'avait pas de normes, et comment on a fait pour réguler un petit peu ça. Donc je me suis interrogé sur les règles de circulation, c'est-à-dire comment on a mis en place ça. Alors, en 1725, encore plus loin, hein, 1725, ah ouais. Une ordonnance royale. Le roi ordonne que on impose une plaque d'identification. Vous vous rendez compte, les plaques minéralogiques là, qu'on a aujourd'hui. Plaque d'identification sur les carrosses. pour pouvoir retrouver les chauffeurs quand ils font l'objet de plaintes. Retrouver les chauffards qui conduisent des carrosses. C'est quand même extraordinaire. Je me dis, oui, déjà à l'époque... Je suis en train de penser, ouais. Ce serait tellement drôle que Fast and Furious fasse une scène comme ça. Mais oui, ah ouais, oh, ce serait tellement drôle. Mais ouais. Oui, un truc super anachronique. Mais oui, ce serait trop bien. Non, mais on peut le faire. Je veux dire, comme Retour vers le futur, en fait, je ne sais quoi, voilà, fait faire. Allez, on prend une voiture là, de Fast and Furious et on la fait remonter en 1725. Là. Et puis, t'as le roi en face avec ses grosses tresses. voilà, quand revient Paul là, en train de. Oh, je veux voir ça. Avec son gros parchemin en train de lire le, voilà, ah, son ouais. ordonnance. Bon, ben. Bah, il ouais, faudra passer la pharmacie pour l'ordonnance. Alors, le nombre de chevaux à l'époque était limité. Alors, aujourd'hui, on limite aussi, mais enfin, bon, bref, sur la carrosserie, ça se voit moins. C'était ouais. pas les mêmes chevaux. C'est fait. Ça. Voilà. Ouais. Les chevaux qui tiraient le carrosse étaient limités en fonction du nombre de roues et d'une. Et du nombre de charrettes et de leur poids, parce que évidemment pour préserver l'état des routes qui à l'époque hein, devaient être, je veux dire, des chemins, voilà, il fallait pas que ça soit labouré à chaque fois puis qu'on refasse le chemin derrière. Ah bon. 1804, c'est Napoléon qui décide qu'on circulera à droite parce qu'avant on circulait à gauche. Mais alors j'imagine, je sais pas si ça s'est fait du jour au lendemain, mais de passer d'un côté à l'autre, ou putain. Ouais, ça doit pas être évident. Surtout à l'époque, les infos allaient un peu moins vite que maintenant. Bah, pour ceux qui ont voyagé, notamment sur le chat Twitch, ou même pour ceux qui nous écoutent à la radio, n'hésitez pas à nous dire si c'est facile de passer quand on voyage d'un pays de droite ou à gauche, ou autre chose. Donc pour nous appeler, c'est au 09 70 407 306. Voilà. Ouais, puis et là, je connais le numéro... Parce que la porte est fermée. De passer de droite à gauche, mais toujours en respectant la priorité. Enfin, ouais. Il y a des choses qui changent, des choses qui je changent. Pense pas, c'est pour ça d'avoir la vue de quelqu'un qui l'a fait, ça peut être intéressant. Ouais, puis de passer du pays des ronds-points, la France, à d'autres pays où c'est autre chose, et d'aller en Inde où c'est n'importe quoi. Ouais, c'est pour ça. C'est... Oui. Les premiers panneaux d'ailleurs de circulation, j'ai trouvé 1912 en fait. On a quatre panneaux différents, hein, 1912. Alors c'est entre Paris et je ne sais plus quel truc. Mais c'est dire une circulation sans panneaux. On a tellement l'habitude des panneaux aujourd'hui. Bon, voilà, sans panneaux, qu'est-ce qu'on fait ? J'en sais, on tombe dans le panneau. Bon, le code de la route, eh bien on l'a mis dans un décret en fait le 27 mai 1921. Et à l'époque, on parlait de réglementation de l'usage des voies ouvertes à la circulation publique. Voilà, circulation publique, oui, alors on a des voies où il y a toutes sortes de gens qui se croisent et puis il y a des véhicules, bah, il faut réguler un peu ça pour mettre un petit peu de priorité. Bah, alors ouais. Je me suis dit, et le permis de conduire dans tout ça, parce que voilà, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, c'est, tu peux pas avoir de voiture sauf voiture sans permis si t'as pas ce fameux permis. Et en fait, il y avait un petit schéma qui était sympa avec cinq dates, donc au XXe siècle. En 1922, le permis de conduire remplace le certificat de capacité. On imagine ce qu'était le certificat de capacité. Bon, alors, t'as tes quatre membres, t'as un cerveau, tu sais reculer, avancer, enfin bon. Hein. Ça passe. Non, mais je crois que j'ai lu quelque part, parce que j'ai lu plein de choses, mais je note pas tout, que c'était un peu comme genre à l'armée, tu vois, tu t'as un test, et puis après, bon, c'est bon, tu peux aller dans le civil, quoi. Bon. Ok, tu conduis un char, hein, tu peux passer partout. Tu traverses le monde en Fast and Furious. C'est ça, donc ça passe. Et ça n'est pas que de l'humour, mais bon, voilà, bref. 1973, limitation de vitesse sur route et autoroute. Ah bah oui, parce qu'avant, enfin, en même temps, si les véhicules n'étaient pas puissants, peut-être que. Mais voilà, de mettre un petit peu partout, hein, contrôler la limitation de vitesse. Le permis à points. Alors, rappelez peut-être, je sais pas pour les gens qui ont connu ça, 1992. 2002, le radar. Le radar qu'on appelle... qu'est-ce que j'ai écrit ? Alors, le radar automatique. Le radar automatique. Ouais, contrôle... contrôle, et ben j'ai tellement écrit mal, j'arrive même pas. C'est un cinéma. Contrôle sanction automatisé. Ah d'accord. Ouais, voilà. Ça doit être un truc comme ça. Je crois qu'ils appellent ça en termes techniques un cinémomètre, un truc comme ça. Ouais, bah je préfère la cinémathèque. Ah, t'es souhaité, Daniel. Ou le radar, c'est plus simple. Hein. Merci Kevin, c'est très gentil. Ouais. Et en 2007, le permis probatoire avec gain de points. Hein, quand au début, voilà, tu fais très attention. Et puis, enfin, ou pas, parce que disons, les A qui roulent à toute bombe et qui fêtent ça dès le premier jour. Mais enfin, bref. La loi dit que, et les gens font Bah, ça ou autre chose. Il y a un vieux dicton, ce qui est surtout interdit, c'est de te faire choper. Hein. C'est ça. Ah ben bah oui, c'est clair. Petite citation, blague, parce qu'il faut bien que je mette des blagues quelque part. Raymond DeVos, vous voyez l'humoriste Raymond DeVos, il raconte, il dit « J'ai un copain, il est pilote d'essai. » Enfin, il ne l'est pas encore. Pour l'instant, il essaie d'être pilote. Pilote d'essai, c'est essayer, ouais, etc. Laurent Ruquier, que tout le monde connaît hein, aujourd'hui. Aux Jeux Olympiques, les nageurs vont tellement vite dans les piscines, c'est à se demander s'ils aiment vraiment l'eau. Voilà, c'est fin quand même. Hein. J'ai cherché un petit peu des choses fines. Voilà, sinon j'ai des blagues un peu plus graveleuses. Bon, bref, ce qu'on veut. Je vais en prendre une comme ça. On est dans une salle d'attente. Allez. De docteur. Docteur, docteur, je vais mourir dans 50 secondes. Je suis à vous dans une minute. Ouais. Dommage. Ouais. Tu retenteras. Il n'a pas été assez rapide, le médecin. C'est ça. La police nationale, je vais pas me faire que des amis. Hein. Un agent de police fait signe à un automobiliste de s'arrêter et « Bonjour, police nationale !» Et l'automobiliste dit bah, « T'avais qu'à mieux travailler à l'école. » Aïe, aïe, aïe. Évidemment, on embrasse tous les policiers qui nous écoutent. Hein, bah, voilà, ouais. T'embrasses les flics comme Renault, toi. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont que des blagues. Voilà, ce n'est que des blagues. Quoique. Encore ou c'est bon? Bon, tu peux encore une petite dernière. J'en ai une aussi, une rigolote. Eh ben, vas-y. Ah, gendarmerie, là, donc quelqu'un justement qui se fait arrêter parce qu'avec ses vitesses trop rapides. Et donc, gendarme, il arrive, il dit, voilà, il se présente, il dit, voilà, gendarmerie mobile. Et là, le chauffeur dit, vous proposez quoi comme forfait? Ah oui. Ouais, pourquoi pas. C'est clair. Un type se présente chez un garagiste et vous pouvez me réparer ma roue? Bah bien sûr, bah, comme vous avez fait pour crever. Bah, j'ai roulé sur une bouteille. Mais vous l'avez pas vu la bouteille? Bah non, il l'avait dans la poche. Ouf. Il a pas roulé sur une bouteille. Ouais, non. C'est ouais. Pas sur une bouteille, non. Non. Mais bon, voilà, c'est la bouteille qui a crevé. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il a demandé comment t'as crevé. Là. Ouais. Voilà. Bon, rétablissement. Ouais. Mmh, bon, après ça, on peut écouter une musique, hein, je pense. Hein. Oui, je crois, oui. Ouais. On a commencé Fast and Furious, là, on est quand même dans le creux de la vague. Là, un peu. On va voir une musique un peu calme en plus, vu que ça va être du violon avec Lindsey Stirling, On My Heart, sur une des stars, comme toujours. Absolument. Oh, youhou. Non, ah, mais Lindsey, elle est Fast. T'as mis en pause tout à l'heure. Fast and ailleurs. Non, mais attends. Non mais t'as mis en pause sur ça tout à l'heure. That I won't let you keep. Been on this road. nouvelles de la pop culture, c'est les Peak Avengers sur Indestar. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Et non, donc sur Indestar, donc comme toujours, jusqu'à 23h à peu près. Vu qu'à mon avis, on ne va pas changer une équipe qui gagne, comme on dit, on va voir un petit peu de retard. Mais si on fait vite, parce que c'est une émission qui doit aller vite. C'est vrai que oui, en théorie, on doit aller vite. Eh ben, allons vite. Daniel, on recommence les anecdotes. Alors, on va commencer les anecdotes. Alors, je viens dans les New York, et puis et voilà. Alors, j'ai tout compris. Voilà, bon, faut repasser au ralenti pour ceux qui n'ont pas compris. Il y a des gens, des fois, qui écoutent les émissions, tu sais, vitesse accélérée, mais là, faudra écouter vitesse réduite. Ouais, vitesse réduite. Je l'ai fait Fast and Furious. Ouais. Bon, alors, on va mettre le ralenti quand même, hein. Ouais. Alors, ça concerne Vin Diesel. Ouais. Il a un jour expliqué que, avant de tourner dans cette série de films, dans cette saga, Il recevait souvent des amendes pour excès de vitesse. Ouais. Après la sortie des films, il s'est dit que faudrait peut-être un peu ralentir quand même, hein. Un petit peu. Alors, c'est pas parce qu'il avait pris conscience, alors si peut-être qu'il pouvait être un danger, mais en fait, il s'est dit franchement, si on m'arrêtait. Alors que en excès de vitesse, alors que je suis Dominique Toretto dans Fast and Furious, non, je vais pas leur donner ce plaisir-là. Donc depuis, apparemment, ils respectent les limitations de vitesse. Et en même temps, je me dis, quand tu conduis des voitures gros calibre là comme ça sur des circuits, dis donc, passer de la route à 30 à l'heure là. Ouais. Non mais même je veux dire la nationale départementale à 80 à 80 90 et du circuit, enfin passer de l'un à l'autre quand t'es un passionné. Ouais. Ça va pas déjà, être facile, hein. Déjà quand tu roules sur autoroute et que tu sors de l'autoroute et que tu te retrouves sur route normale, voire des fois à rentrer directement en agglomération, c'est pas simple, hein. Voilà, il y a un problème de vitesse là. C'est comme faire un jeu de circuit et puis après tu fais un petit jeu d'aventure, quoi. Sur le coup, ça fait drôle. Ouais. J'ai construit mon petit immeuble alors que j'étais en train de foncer dans. Oui. Voilà, donc depuis, il fait attention parce qu'il veut pas que les gens, en gros, se payent sa tête, quoi. Ouais, donc forcément, il s'est dit on va se calmer. Voilà. Et puis quand c'est lui qui paye l'essence. Bon. Ouais. Ça aide aussi. Bon, tiens, on va continuer avec l'hommage à Paul Walker, vu que, bon, forcément, cet acteur nous a quittés, donc dans la saga, il y a eu pas mal d'hommages. Il y en a eu un dans Fast and Furious 7, donc le lieu où se réunit l'équipe pour admirer Los Angeles, c'est le même endroit où Brian O'Connor testait sa voiture dans le premier film. Ouais, joli clin d'œil, sympa, oui. Ouais. Il y en a eu également dans Fast and Furious 8, 2, dans une des scènes donc, qui se passe dans le garage où toutes les voitures sont garées, on peut apercevoir une GTR, qui est la voiture de prédilection de Paul Walker, justement dans les films. Ouais, ça donc, ouais. Et pour finir, la course du début de Fast and Furious 8, c'est également un hommage à Paul Walker. Donc, la course se déroule à Cuba. Cuba. Pourquoi pas, ouais. Et c'est Dom qui la discute. Donc, il va utiliser la... donc, il va utiliser la nitro de sa voiture exactement de la même manière que l'avait fait donc Brian dans le tout premier film. Et comme Brian, à la fin de la course, il ne demandera qu'une chose, uniquement le respect de son adversaire. Oui, c'est... Oui, on reste, c'est vrai, sans voix derrière. Parce voilà. Il faut quand même avouer que ça a été au-delà quand même, cette disparition de Paul Walker, au-delà quand même des acteurs... Et du cadre professionnel pour Vin Diesel. Cadre professionnel, parce qu'on s'aperçoit que tous les gens qui, on va dire... Le côtoyer ou regarder juste la saga, même les gens avec qui j'en parle, y a un petit pincement au cœur par le fait... Pas qu'il soit plus là, il y a quelque chose qui manque. Hein. Déjà, j'ai envie de te dire, quand on regarde, quand on a regardé des séries quand on était enfant et quand on voit des séries nouvelle génération où on change l'acteur, même s'il n'est pas décédé, ça te fait un pincement quand tu t'attaches, voilà. T'as des espèces d'identifications qui se fondent d'elles-mêmes. Déjà, et là, quand tu te dis, ah putain, on verra plus parce que. Ouais. Et surtout quand tu connais les conditions du décès, donc en voiture, qu'il avait prêté sa voiture et qu'il était passager, c'est ça. Hein, C'était une voiture, c'était une Porsche qu'ils avaient, qui n'était pas... Donc les pneus étaient usés, vraiment, il y a eu pas mal de trucs. Voilà, d'erreurs aurait... de sa part déjà. Et voilà, ça aurait été lui qui aurait conduit, vu que c'était un pilote professionnel. Bon. Mais il l'a prêté à un pilote aussi. Hein. Ah, il l'a prêté à un pilote. Oui, ah. C'était un pilote aussi. Non, la voiture, elle était... les pneus étaient morts apparemment, vraiment. Ah, d'accord. Ok, ça, je croyais pas que c'était un pilote là. J'avais si, si, apparemment, c'était ça aussi. D'accord. Bon, oui, c'est bête quoi. Et oui. Donc celui qui est venu derrière, parce que j'ai un petit truc sur mon papier, la John Cena, c'est celui qui est venu prendre le rôle ou c'est autre non, chose? Non, c'est autre chose, c'est John autre Cena. Chose. Non. Alors, en fait, personne n'a repris le rôle. D'accord. Ah, sauf pour Fast and Furious 7, pour le finir, où c'est son frère qui a fini. Oui. Et on voit quand c'est son frère. Oui, il y a, ouais, y a des scènes où on voit, oui. C'est clairement pas le même jeu, c'est pas ouais, tout ouais. pareil, même si moi, ils ont essayé de faire au moins qu'en apparence, ce soit pareil. Mais... Bah, faut dire qu'ils se ressemblent tellement quand voilà, tu vois les photos. Voilà, que ça aide aussi, ouais. Mais tu sens que c'est plus lui. Voilà, oui, oui. Mm. Oui, John Cena, non, c'est... Non. Bah, c'est bien que t'en parles, finalement, de... Oui. Oui, vu que c'est pas le premier catcheur justement à rejoindre la saga Fast and Furious. Oui, c'est un, oui, c'est un catcheur. Oui, vu que tout à l'heure t'en as parlé, mais il y a eu Dwayne Johnson, donc The Rock, ouais. qui a rejoint. Dans le set, on peut voir Ronda Rousey également, qui a rejoint, même si c'est que pour un qui y était. Et dans Hobbs and Shaw, dans la scène où The Rock emmène justement Shaw chez lui aux îles Samoa, tout ça, on peut voir Roman Reigns également. Donc, ce qui ouais. fait qu'il y a 4 catcheurs dans la saga. On se demande jusqu'où on peut aller parce qu'on fait quand même apparaître du beau monde, j'ai envie de dire. Et on en est rendu où là? Parce que j'ai lu les 9 premiers épisodes, etc. Mais on en est à combien là? Bah, de toute façon, ça va s'arrêter au 10e qui est en cours. Hein. C'est ça. C'est ce qui était prévu. Alors, bah, c'est toujours pareil entre Vin Diesel et puis Paul Walker. Mais après, on va nous faire quoi voilà. Des Reloaded, des Origins, des... Bah, après, là, il y a eu des... Bah, justement, j'en parlais, Hobbs and Shaw. Des séries sont... différentes. Ouais. Bah, on peut, les séries. Vu que moi, il y a eu Hobbs and Shaw où c'est basé sur le flic et justement ceux à qui cherchaient l'équipe pour les tuer. Ouais. Il y en a eu tellement à côté que, mine de rien... C'est inépuisable, ça ouais, aussi. Ouais. Non, mais la saga telle qu'elle est là, avec l'histoire de Dominic Toretto, doit s'arrêter à 10, c'est ce qui était prévu. Et donc, comme Vin Diesel tient absolument à garder la mémoire enfin, de ce qui était prévu avec Paul Walker, de base, donc lui va veiller tant qu'il sera là. Est-ce que... Alors, il pourra y avoir des dérivés, d'autres choses peut-être. Oui, mais est-ce que vous voyez aujourd'hui le format série, enfin, je veux dire, ça cartonne, quoi. Est-ce que vous voyez un non. petit peu ça en... Non, je pense que Fast and Furious en série, non, ça passerait pas. Non, je... personnellement non plus, je le. Non. On est vraiment sur des histoires bah d'ailleurs plus longues, plus importantes. On sort déjà une histoire du c'est cadre ça. D'un film. C'est pas comme Star Wars ou Marvel où t'as l'univers à côté pour faire. Fast ouais. and Furious, tu n'as pas cet univers, voilà, justement. Tu n'as pas, oui, de petit univers imbriqué dans le gros. T'es toujours dans un ensemble. Et ce qui voudrait dire qu'il faudrait casser l'ensemble. Alors, c'est toujours faisable, effectivement. Mais je pense que ça serait dommage pour... Pour bah, la beauté de la série. On va essayer un court métrage. Pourquoi pas. Déjà que je veux faire Jane Bond, oui. J'ai toujours l'idée en tête. Hein, alors, Justement, tu parlais de John Cena. Et bah, je voulais rebondir sur Ronda Rousey. Avec la scène où, de combat entre elle et puis celle de Michelle Rodriguez qui fait Letty, donc oui. la femme de Toretto. De Toretto. C'est elle qui s'est battue pour qu'on le donne un rôle et qui a dit « Non, je veux pas être qu'une potiche, en gros. Conduire, c'est bien. » Donc, voilà, elle conduisait déjà, mais elle a dit « Je veux faire plus. » Quand tu dis « Je veux faire plus », tu parles de Michelle Rodriguez ou de Ronda Rousey? Michelle Rodriguez. D'accord. Oh, ouais, oh, ouais. De Letty, donc finalement. Oui. D'accord. C'est d'elle que je parle, oui. Pas que apparaître, mais aussi avoir un rôle dans voilà, l'histoire. Bon, elle avait déjà donc des rôles, parce que c'est dans le 4, je crois, l'attaque du camion au départ, qu'on la voit... Letty, oui. Oui, qu'on la voit sur le camion en train d'essayer de casser les attelages de remorque, c'est ça? Oui. Ouais. Bah, ouais. Je l'ai même. Oui, les geler pour pouvoir les casser, oui. C'est ça. Et elle est donc déjà en position d'action parce qu'elle monte sur la remorque, elle. Voilà, déjà. Mais elle voulait plus. pas que de la conduite, pas que ça, elle voulait vraiment faire plus. Elle voulait tout casser la baraque. Voilà. Elle a cassé les attelages et elle a cassé la baraque. C'est ça. Mais on va continuer avec Michelle Rodriguez, tiens. Ouais. Donc, elle a dû apprendre à conduire pour avoir le rôle pour plusieurs scènes de course-poursuite. C'est donc, mieux. Ouais. Donc, au final, bah, Michelle Rodriguez, donc Letty, a appris sur le tournage. Mais je trouve ça fou de se dire qu'une des pilotes qu'on retient maintenant a dû apprendre. Ouais. Et c'est pas la seule. Ah bon ? Elle a commencé par son certificat de capacité avant d'avoir... Donc, comme je disais, c'est pas la seule, vu que Jordana Bracer, qui joue Mia, ouais, a dû passer son permis de conduire, elle. Et elle a raconté également par la suite qu'elle avait dû apprendre à conduire à New York et que c'était absolument pas drôle de conduire à New York. Mais là, je me dis, tu vois, c'est là où vont les normes aujourd'hui, c'est que même pour faire du cinéma, en fait, il y a des règles, mais est-ce que ça a été tout le temps comme ça ? Ouh, ah, ça c'est une est-ce bonne qu'on question. A pas fait conduire des gens qui savaient pas sa peur hein. Tout bah, semble a... bien régulier aujourd'hui mais ouais, j'ai entendu des histoires, je sais pas si elles sont vraies, mais il y en a certaines où en effet tu voyais les gens conduire à l'écran qui n'avaient pas le permis. Oui. Alors, je ne sais pas si elles sont vraies maintenant, des fakes il y en a toujours eu, il y en a plus maintenant, ou alors on s'en aperçoit plus hein. C'est peut-être ça aussi hein. C'est dans les choses faisables. Oui, ça peut. Ouais, complètement. Oui. Oui, on fait un petit dernier tour. Oui, puis. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? On a un petit quelque chose. On a ah, on a une surprise ? Oui, parce qu'en fait, on a. Avant de refaire un petit dernier tour, quand même. Oui. On a un invité surprise. Ah bon ? Ouais. Qui c'est ? C'est une vedette de la pop culture. Oula. Une des plus anciennes vedettes. Oui. Alors, je sais pas, après ce passage-là, peut-être que... Plus vieux que 1800... Non, pas plus vieux. Parce que je suis pas remonté en 1700 quelque chose. Quelqu'un qui est presque centenaire. Oui. Hein. C'est une petite souris qui est le symbole de Disney. On a eu un contact avec Mickey. Oh, Mickey ! Qui va nous donner son avis sur... Sur Minnie quand elle conduit. Ça aurait pu être ça, mais non, c'est sur Fast and Furious, en fait. Hein. Ah, d'accord. Donc, voilà. Alors, je sais pas lequel va fonctionner. Donc, c'est pré-enregistré, en fait. Hein, parce que, d'accord. Mickey... Ouais, forcément, un agenda très chargé. Très chargé. Déjà, oui. Mickey, si tu nous écoutes, on te remercie de nous avoir consacré du temps, quand même. Complètement, oui. Et alors, donc, il y a ça, il y a le décalage horreur. Alors, je voulais pas... Oui. Pas puis bon... Mini, s'il s'attardait trop, elle devait peut-être se plaindre aussi, quand même. Peut-être aussi. Allez, on va voir. Alors, je crois que ça doit marcher comme ça. On verra. Sinon, on fera autrement. Il va se faire tirer les oreilles. Complètement. Allez. Salut les amis, c'est Mickey. Fast and Furious. Sans les bagnoles, il ne serait que Furious. Ils n'ont pas trouvé mieux que des acteurs qui s'appelaient Diesel et Walker pour conduire des voitures. Et puis, ça fait quoi une voiture japonaise dans un film américain ? La Dodge Charger, c'est de la bagnole. Une vraie vedette américaine. C'est quand que Disney rachète Fast and Furious ? Faut que je leur montre comment ça se conduit une bagnole. Vivement qu'il y ait un vrai pro dans cette histoire. Ah ouais, Mickey, il était surexcité là. Il y a des choses qui sont tirées par les cheveux, mais c'est vrai que c'est tiré par les oreilles là. Ouais. Ah ouais, là, Mickey. Voilà. Bah, oh, attention là. Il se venge. Voilà. Donc, si ça plaît, Mickey est prêt à revenir. Alors. Ça va durer 20, 30, 40 secondes, pas plus, mais peut-être une minute s'il a beaucoup de choses à dire. Mais Mickey est tenté de revenir, en fait. Hein. Ah ouais ? Ouais. Et n'empêche, on peut dire que sur Indestar, on a eu Mickey ! Yeah ! Voilà, alors... On a eu notre Mickey ! On s'est fait Mickey. On s'est fait Mickey. Ouais, alors là, on peut le prendre de plusieurs façons. Alors, pas Mickey, mais l'histoire. Oui, voilà. C'est selon. Complètement, oui. Complètement. Eh ben... Vas-y, Daniel, tu peux commencer hein, pour le dernier tour. Alors, Ah, celle-là. Ah oui, il fallait que je vous en parle, celle-là. Oula. Il y a... Dans le 6, il y a une chose qui a vraiment fait beaucoup, beaucoup, beaucoup débat. Oui. C'est... La fameuse piste... Ah oui, qui traverse toute l'Europe. Ouais. Alors, il y a des journalistes qui se sont amusés à faire un calcul. Je vais dire amusés parce que je pense que ça a dû être un véritable amusement de le faire. Et donc alors, juste pour info, je vous donne tout de suite, il y a les deux pistes les plus... Pour connaître la longueur. Les deux pistes les plus longues au monde actuellement mesurent environ 5 km. Ouais. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas si mal. Hein, pas mal quand même. 5 km. C'est pour ça qu'on fait plusieurs fois le tour. Voilà, c'est oui, ça. C'est ça. Peut-être ce qu'ils ont fait. Et là, en fait, ils ont estimé que la piste pour l'avion donc qu'on appelle d'atterrissage, mais là, il décollait, en fait, oui, mesurait en fait à environ 45 km. Ah ouais. Donc, ah ouais, c'est ouais, pas mal. Ouais, alors vous imaginez quand même... c'est... Celle-là, fallait pas la rater, en effet. Hein. Ouh, bah... Écoute, hein, j'ai presque envie de dire pourquoi pas, hein. Ouais, alors, on pouvait se moquer, mais à juste titre, quand même. Hein, oui. Hein, mais t'as vu, moi, j'ai une piste de 45 km. Qui est la plus grosse. Mais c'est ah, tellement ça. C'est fascinant, les pistes d'aéroport, comment les avions... enfin, on garde les avions, on en sort, ça se croise. Ça. Mmh. Qu'il n'y ait pas plus d'accrochage que ça, quoi. C'est, oui, c'est fascinant. Ouais. Mmh. Bah, là, sur 45 km, non, là, c'était bon. Mmh. Hein. Il y avait la place, hein, ouais, il pouvait passer. Il hein, y a un peu de place. Oui. Ouais, complètement. Hein. Tiens, Thierry, tiens, je te laisse y aller. Pour la prochaine. Où ça, près du radiateur? Non, je n'ai pas besoin aujourd'hui. Non. Il fait bon. Non, c'est bon, aujourd'hui, ça va. Alors, qu'est-ce que je vais vous lire? 6 minutes de plus. Je ne sais pas si c'est quoi. C'est un rajout dans un DVD. Les éditions Blu-ray DVD Ultra HD de Fast Furious 9 comprendront pas loin d'une heure de bonus ainsi que deux versions du film. Ah ouais. La version cinéma de 143 minutes et une director's cut, version définitive validée par le réalisateur, de 149 minutes, soit environ 6 minutes supplémentaires. Mais qu'est-ce qu'on va voir dans ces 6 minutes? Ah, il faut voir le... Eh ben, on va voir Mickey. Comme dirait Mickey, ah. Donc, il faut acheter le DVD pour avoir les 6 minutes supplémentaires. D'accord. Tu sais, c'est comme juste une petite parenthèse avec Star Wars. Oui. Qu'ils ont rajouté des scènes dans certains, dans tous, même pour... Comme ça, ça a permis de... Voilà, de proposer... On n'en est pas à genre... Alors, la fin, c'est soit ça... Oui. Vous choisissez... C'est ça. Ouais. Un mot pour finir, tiens, on va voir à la fin du premier film. Donc, on peut voir Vin Diesel donc partir, l'acteur. Sauf que... Il veut vraiment se barrer à ce moment-là. L'acteur refuse de participer au deuxième film, contrairement à Paul Walker. Pour Vin Diesel, donc le rôle de Toretto doit rester unique et mémorable. Ah, il voulait pas revenir. Il voulait pas revenir, il oui. Il s'est barré avec la voiture. Ah, il voulait ça... pas qu'on y reprenne la voiture. C'est ça. Donc, finalement, donc, on reverra Vin Diesel qui accepte de revenir dans la série de films à une condition, qu'Universal Studios lui cède les droits d'auteur pour un de ses anciens personnages, Riddick. Suite à cet accord, donc, on verra Toretto faire une apparition dans le troisième film, Tokyo Drift. Ah, les stars, ça négocie. Et ouais, c'est ça. Ah, et je vois l'enchaînement pour tout à l'heure, mais vous... C'est ça. D'accord. On comprendra juste après. Je veux 3 chocolatines et je veux... Et je veux patati patata, vu que le maillot du Japon n'est pas là par hasard aussi. Et je veux Mickey. Donc, en attendant, on va écouter Gabriel Scaldaferri, Bring Me the Horizon. Bon, sur Indestar, comme toujours, et pour Twitch, on revient juste après. Indestar. Le direct. Indestar.fr. Les podcasts. Indestar.fr. Retrouver un titre passé sur l'antenne. Indestar.fr. Les infos sur les émissions. Indestar.fr. Les vidéos. Indestar.fr. Les infos artistes. Indestar.fr. Le café du matin. Indestar.fr. Une voiture diesel. Indestar.fr. Des lasagnes au poulet. Indestar.fr. Waouh, il y a beaucoup de choses sur Indestar.fr. Mais je ne suis quand même pas certaine pour les 3 derniers. Chaque vendredi est unique sur Indestar. Je suis spéciale. Les spéciales du vendredi soir, c'est chaque vendredi en direct dès 21h sur Indestar. Là où commence le week-end. My head is haunting me and my heart feels like a ghost. I need to feel something cause I'm still so far from home. Cross your heart and hope to die. Promise me you'll never leave my side. Show me what I can see when the spark in my eyes is gone. You got me on my knees, I'm your woman come. Cross my heart and hope to die. Promise you I'll never leave your side. Cause I'm telling you, you're all I need. I promise. miss you, you're all I see. 'Cause I'm telling you, you're all I need. I'll never leave, so you can drag me through. You'll be my oxygen. So take to grace, 'cause when you die, I swear I'll be living by your side. So you can drag me. Happy New Year. Oui, c'est le moment. Exact. Yes, Happy New Year. Yes, c'est vrai, yes, il a raison. Yes, Milord, yes. Donc, comme j'expliquais, donc, pourquoi un maillot du Japon pour une émission Fast and Furious? Yeah. Parce que tu n'as plus de sushi. Oh, c'est beau, ça. Ouais. Oh, ça, c'est beau comme jeu de mots. Ouais. Et bah, il y a un des films de la saga qui se déroule à Tokyo. Oui. Tokyo qui est au Japon, donc voilà. D'où le maillot. Voilà. Comme j'expliquais, en plus, quand on a un nom Honda derrière, je trouvais le gag trop tentant à faire pour ne pas le faire. Au Tokyo Hotel. Alors ça, c'est un groupe de musique, ça je connais. Ah oui, mais il fallait que je fasse la blague au Tokyo, oui. Hotel, ben, bien sûr. Oui, évidemment. Voir si tu as un peu de culte. Ouais. Il y a pas une chanson. Tokyo Hotel, Tokyo Hotel. Non, ça, je viens de l'inventer. Non, ça, c'est Ojimboe, Ojimboe. Ah, c'est c'était ça. Sur ce rythme-là. Là. Ah, c'est le lion est mort. Ouais, mais oui, voilà. C'était le lion est mort que tu faisais en rythme. Tokyo Hotel, Tokyo Hotel, Tokyo Hotel. Bon, oh, merde. C'est pas grave. On peut le faire avec Fast and Furious, Fast and Furious, Fast and... Bon, vas-y, je dis rien. Tu feras ton enregistrement. C'est ça. Donc, Fast and Furious 3, donc Tokyo Drift, qui est un film sorti en 2006 et réalisé par Justin Lin, si j'oublie un N, c'est compliqué. Ouais. Donc, pour un peu présenter ce film, tout d'abord, c'est le seul film de la saga, jusqu'au décès de Paul Walker, où on ne retrouve ni Paul Walker, ni Vin Diesel en tant que personnage principal. C'est le seul où il n'y a ni l'un ni l'autre. Oui, c'est vrai que Too Fast, Too Furious, il y a quand même... Il y a Paul Walker. Voilà. Bon, après, bon, Fast and Furious 8, il y a Vin Diesel. Oui. Donc, c'est le seul film où ni l'un ni l'autre ne joue un rôle important. Mais bah, comme j'expliquais tout à l'heure, on voit Vin Diesel, mais c'est plus pour faire une apparition qu'autre chose, pour dire « Eh oh, les copains, je suis là, m'oubliez pas !» C'est plus ça, à la fin. Et donc, dans ce film, on va suivre donc Sean Boswell, qui est un passionné de course automobile, ayant eu plusieurs problèmes avec la police, notamment qu'il expliquera... plus tard dans le film, Bah, le lendemain que j'ai eu le permis... Non, c'est même 10 minutes après que j'ai eu le permis, je me suis fait arrêter pour excès de vitesse. C'est quand même pas mal. Ouais. Niveau... Retour à la case départ. C'est ça. Donc, la police va être bon genre, vu qu'ils lui lanceraient un choix, le Japon ou la prison. Note que ça rime aussi, ça. Oui. Ouais. Et c'était pas fait exprès, ça. Donc, il se rendra chez son père à Tokyo. Il rencontrera notamment là-bas Twinky, avec qui il a une passion commune, donc les voitures. Twinky lui fera découvrir le drift. Mais c'est là que les ennuis arriveront, vu qu'il rencontrera également Dicky. Et non, Dicky ne veut pas dire Donkey Kong, mais Drift King. Ah ouais, ah. Oui. Donc forcément, au Japon, c'est pas comme aux États-Unis leur course, c'est basé sur le drift, alors qu'aux États-Unis, c'est vitesse, vitesse. On n'a pas peur d'user parce qu'on a les pièces détachées sur place ou quoi? C'est ça. Ouais, il y a peut-être aussi plus de lignes droites aux États-Unis. Ouais, je pense. Bah, au Japon, quand on voit la première course, ma course, qu'ils font avec justement Sean et Dicky, c'est une course dans un parking. Ouais, où mec. Ils doivent monter et où ils doivent drifter, où justement Sean va détruire une voiture, mais à un point, on lui ah dit... Ah oui, alors les parkings qui tournent c'est en ça. Colimaçon, voilà, là. C'est ça, c'est oui. Ça. Donc oui, il drift tout, bah oui, tout le temps oui. du le long. Ouais. Et donc ouais. Dicky, donc quel meilleur drifter de Tokyo, forcément, il voit un débutant arriver, aucun problème quoi, ça va être facile. Donc c'est un film, malgré son appellation qui est Fast and Furious 3, qui se déroule entre l'épisode 6 et 7, ce qui explique la présence de Han dans le 4, 5, 6, vu que Han dans Tokyo Drift meurt. Entre guillemets. Oui, parce qu'on a une surprise, en fait. Hein. Oui. Voilà. Voilà. On a deux scènes de cette mort, d'ailleurs. C'est comme le Joker qui revient, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, comme je disais, donc, on a deux scènes de la mort de Han. Une dans l'épisode 3, une dans l'épisode 6, qui sert de scène post-générique, où on va découvrir, justement, l'assassin de Han. Il reviendra également dans l'épisode 9. Mais pas mort. Non, mais pas mort. Ah. Tu vois, de dire ça, tiens, ça me rappelle un peu Dark Maul dans l'univers Star Wars, Han. C'est un personnage que tu ne peux pas faire mourir. Et même s'il meurt, les fans l'adorent tellement que non, il va revenir. Oui, oui, oui, mais c'est pour ça que je mentionnais Joker d'ailleurs. Hein, c'est ça, bah, Joker c'est pareil, c'est des personnages où non, ils sont tellement appréciés des fans que bah, t'es obligé de le faire revenir encore et encore jusqu'à écœurer les fans. C'est pour ça qu'on revient encore et encore le jeudi, nous. C'est ça. Donc, qui dit Tokyo ? Dit hôtel. Alors j'allais dire dit voiture japonaise aussi, mais pourquoi pas, oui. On peut dormir dans une voiture japonaise. Oui. Oui. Donc on retrouve comme marque dedans Mitsubishi, Toyota, Subaru, Mazda et Nissan. D'ailleurs, tiens, je vais en profiter pour faire un petit cours de japonais. Ça y est. Comment se dit Nissan en japonais ? Non. Le Nissan de la marque est quand dans les Nissan animés. Qashqai ? Non, justement, je Nissan. Sais pas ce qu'il cache, mais... Et quand dans les animés, on entend un personnage, pour ceux qui regardent en VO, Nissan, ne s'écrivent pas de la même manière. Donc Nissan, la marque, c'est N-I-2-S-A-N. Et Nissan, dans les animés, c'est N-E-E-S-A-N. Et donc le Nissan, N-E, comme j'expliquais, ça veut dire grand frère, que la marque, ça a une autre signification. Bah... D'accord. Et donc voilà, c'est pour dire que bah, au Japon, il y a plusieurs choses qui, en termes de résonance, se disent pareil, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Les homophones. Ouais. C'est ça. C'est pas comme chez nous, le nom de la marque, c'est pas le nom du créateur, ou comme Renault, qui est le nom de Monsieur Renault. Ou... Non. Ah, non. Non, j'ai pas été chercher là par contre. Ouais, non, non. Je... Mais après, ça non. peut potentiellement. Ouais. Donc, c'est pas les seules voitures qu'on retrouve dans le film. On a également Plymouth au tout début du film, justement quand Sean explose sa voiture. C'est une Plymouth ? Oui, c'est une Plymouth qu'il a. Ah ouais, carrément. Ah ouais. On retrouve également, alors là, on va descendre en gamme Volkswagen. Mais je trouvais ça tellement... La voiture du peuple. C'est ça. Je trouvais ça tellement drôle, en fait, quand on voit à côté Subaru, Plymouth, Nissan, Mazda, Volkswagen. Je trouvais ça assez fun, quand même. Et pour finir, on a également Mercedes dedans. Ouais, ça, oui, ça remonte un peu quand même. Oui, ça remonte un peu. Bah, justement, la voiture qui est responsable de la mort de Han, c'est une Mercedes. C'est pas une C3. Non, c'est pas une C3, non. Et la voiture que a Oncle Kamata, donc, qui est un des méchants. C'est une Mercedes aussi. Non, on dit pas un méchant, c'est un Yakuza, ils sont pas méchants les Yakuza. Non mais je veux pas de problème avec eux, c'est pour ça, hein, c'est tout. Alors moi je dirais même encore plus loin, ça dépend du point de vue. Leur sabre n'est pas forcément laser, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, et tu te fais pas forcément laser parce que t'as un sabre. Ouais, ça devient compliqué là quand même. Non mais c'est normal, c'est les Peak Avengers. Ouais, ça sabre tout le temps, Chine. Ouais, c'est ça. Et donc ce film-là, bah, pour moi c'est mon préféré de la saga. Je sais que Daniel, toi c'est pas le cas. Bah non, mais par contre je dois avouer que j'aime beaucoup la voiture à Twinkie là, quand il la récupère au parking. Oui. Et qu'il dit justement à Sean Boswell, donc Lucas Black, ah tu vas voir, c'est une touriste bagnole. Oui. Et là tu vois un bout de machin de trois fois rien avec une carrosserie en relief, enfin c'est... Oui, voilà. Que tu vois juste avant des voitures de fou, que voilà. Tu vois justement Twinkie qui est tout excité, qui est... Qui a une voiture vert fluo avec l'intérieur violet. Je bouge. Non, c'est pas la mienne. Ah ouais ? Non, c'est toujours pas la mienne. Là, tout content quand c'est la sienne. Tu le vois, ça, c'est marrant. Donc ce film, pour moi, c'est mon préféré. Donc, je sais pas si c'est parce qu'il se déroule au Japon ou autre chose. Je pense que ça joue pas mal aussi, quand même. Donc, forcément, j'adore le Japon. Mais je pense qu'il y a aussi l'ambiance derrière dans le film que je trouve géniale. Et d'ailleurs, ce film peut être découpé en deux parties, on va dire. La période avec Anne et après avec sa mort. Mmh. Vu que le film change totalement dès qu'il meurt. Ah bah c'est plus le même, oui. Bah c'est ouais. Ça. Et de toute façon, quand tu passes d'un personnage, on va parler surtout de Anne aussi quand même, d'un personnage qui mange tout le temps, qui cherche un peu, qui double un peu tout le monde, à un truc un peu plus sérieux en mode « je vais venger un peu sa mort », tout ça... Mmh. Forcément, l'ambiance c'est plus totalement la même. Bah ouais, là c'est oui. Mais oui, non, c'est un film de façon qu'il faut voir. Après, si vous voulez les voir dans l'ordre, forcément c'est 1, 2, 4, 5, 6, 3, 7, 8, 9. Oui, alors sachant aussi qu'il y a quand même deux courts-métrages qui ont été tournés. Oui. Hein, donc justement, celui dont je parlais tout à l'heure, qui est entre le premier et le deuxième. Dont on a des extraits sur le DVD de Too Fast, Too Furious. Oui. Où l'on voit Brian O'Connor vivre en faisant des courses de rue. Oui. Hein. Donc. Il y en a un autre qui se passe en République Dominicaine et qui, je crois, est. Alors, à mon avis, est juste avant le 4. D'accord. Voilà, avec celui-là où ils sont face à Braga, c'est ça ? Oui. Voilà, c'est ça. Justement, c'est dans le 4. C'est dans le 4. Et je crois qu'il est juste avant. Et donc, après, il y a Hobbs et Shaw qui, lui, est complètement à part. Hein, par oui, contre, qui... Hein. Et mine de rien, que je recommande à voir aussi Hobbs et Shaw. Vu qu'il est assez... On va dire, on a le côté très sérieux de Jason Statham qui, justement, veut faire ça dans les règles, qui est tout le temps concentré, qui est ultra là, qui est ultra droit... Et à côté, on a The Rock qui est... la vague que je te fous. Ouais, donc... ouais. Déjà, rien qu'à la présentation de ce qu'on appelle leur morning routine, c'est ultra marrant à voir, vu que t'as Statham qui est présenté sous la pluie, tout ça, qui est vraiment triste, en mode, il a une vie triste, c'est toujours pareil, tout ça. Et t'as Shaw qui est présenté sous le soleil. Ah ouais ? Oui, où justement, tu as un sacré parallèle qui est fait, où t'as justement... Shaw qui est triste un peu, qui fait toujours la même chose, tout ça. Et Hobbs qui fait l'inverse au final. Et je trouve ça assez fun de voir qu'ils ont pensé à ça aussi, mine de rien. Oui, complètement. Alors j'avoue que je ne l'ai pas regardé. J'ai pas eu l'occasion encore. Mm-hmm. Mais oui, je regarderai aussi quand même. Hein. C'est... Mm-hmm. Puis en plus, on découvre la petite sœur de Statham en plus dedans. Ah, c'est dans celui-là qu'il y a. Oui, c'est dans celui-là. C'est dans celui-là, d'accord. Elle se fait enlever, je crois. Oui, on va dire. Il me semble, oui. Enfin, oui, c'est elle qui est au cœur de l'intrigue. Hein. Voilà, on va dire, ouais. Pour éviter. Alors, de spoiler, même si bon, ça fait un petit bout de temps, mais bon, pour ceux qui n'ont pas vu, ça reste du spoil quand même. Comme moi. Comme toi, par exemple. Mais. Oui, non, c'est à voir quand même. C'est à découvrir. J'ai pas vu le 9 aussi encore. Le 9, c'est normal, il est sorti il y a peu de temps aussi. Oui, il y a pas longtemps, mais j'ai pas été le voir encore. Oui, moi non plus. Ah, j'avoue que j'aime bien les voir tranquillement installés chez moi dans le canapé avec un plateau télé. Forcément. Quelque chose de bien bon à boire. Hein. Ouais. Il y a quand même un décalage hein, d'aller très lentement pour regarder un film qui va hyper vite. Oui, c'est non, vrai, quoi, c'est vrai. Blague. C'est vrai, mais j'adore la regarder. Il faut se poser pour regarder un film comme ça. Et en même temps, les gens qui regardent le Grand Prix s'installent bien aussi. Dans c'est leur... ça, ceux qui regardent des GP, oui, comme tu disais, oui. Non, mais c'est vrai que quand même, là, c'est une des rares, un des rares films ou des rares sagas, c'est comme on veut. J'aime bien être hyper bien installé quand je les regarde. Je suis vraiment... À propos d'hyper bien installé, blague, mais alors vraiment, ratez pas crête. Hein. Oui. Monsieur et madame, perd vite mon slip. Mon fils qui s'appelle... Oula. Jean. Ange. Jean-Philippe. Jean-Philippe, hyper vite mon slip. Ah. Jean-Philippe, il est... Oh là. Oh putain. Waouh! Waouh! Ah bah oui, non, mais voilà. Ça, c'est du. Alors. J'attendais pour rebondir et il y a eu la phrase avec. Eh ben, ça, ça, c'est du niveau de Roman Pierce. Hein. Ça se saisit. Oui, hein. Remarque, oui, on aurait pu l'avoir dans le J'ai jeu. J'ai saisi au vol. Ouais, c'est ça. Alors, il est très fast pour mettre le slip. Ouais. Hein, j'enfile hip. Est-ce qu'il est très fast pour écouter la musique? Ah, j'allais dire, est-ce qu'il faudrait pas être furious par contre pour. Parce que là, autrement, tu risques de tout déchirer. Ouais. Mais oui, ça peut être aussi fast. Je sais pas si t'avais autre chose à voir avec. Non, moi c'était bon, j'avais fini. Moi j'ai un petit fait réel à vous mentionner, c'est par rapport, on parlait de la police tout à l'heure, et oui. Donc le, on peut se questionner des fois sur les voitures, les ont, marques oui. des voitures qu'ils ont, etc. Et en fait j'ai trouvé une explication par rapport à Dubaï, que en fait la police de Dubaï possède des Ferrari, des Porsche et des Rolls-Royce en voiture de fonction. Je sais pas si vous avez vu la police là-bas, moi, c'est pas forcément ce qu'on nous montre, mais ils ont quand même des super voitures. Ouais. C'est pas... Oui, à Dubaï, ouais. Oui, c'est vrai, ils ont des super voitures. Et en fait, bah, déjà, côté symbolique, pour faire ressortir le prestige du pays, mais après, voilà, se dire, bah oui, tout est grand. Ouais, c'est... C'est bien d'être policier là-bas, quand même, hein, d'être ouais, flic. Hein. Tu ouais. roules en Ferrari, en ouais. Rolls... Alors, après, quel genre de méfait... quel genre de brigand on arrête là-bas? Ouais. C'est pas le truc qu'on mettra en avant, à mon avis. Ça va être discret. Non, je pense, ouais. Complètement. Donc, on va écouter Nina Attal, People. Et c'est comme toujours, c'est Indestar. C'est Indestar avec les Peak Avengers. C'est ça. Et pour ceux qui sont sur Twitch, on revient juste après, comme toujours, pour jouer. Yeah. Avenger. La pop culture, ce podcast sur indestar.fr. Bibi, c'était tout court. C'était très fast. Ouais. Ah, remarque, oui, c'était très fast. Oui, ça passe totalement. Fallait bien. Je le remettrai, voilà, si on a l'occasion, je le remettrai pas. De toute façon, ouais. Là, on en est au jeu, Daniel. Ne serait-ce pour qu'on l'écoute, parce que j'avoue que c'est tellement allé vite que je sais même pas ce qu'ils ont dit. Alors, attends, on réécoute. Allez, ah. Peak Avenger. La pop culture, ce podcast sur indestar.fr. Ah oui, c'est tout simple et en même temps, c'est ouais, l'info essentielle. Ouais, c'est simple. C'est simple. Bah, d'ailleurs, puisqu'ils disent podcast, bah, alors où est-ce qu'on va chercher les podcasts? Mais où est-ce qu'on y va? Où est-ce qu'on y va, Daniel? Le plus simple. Alors, à mon avis, vous ouvrez votre ordinateur ou votre téléphone, vous allumez. Comment vous ouvrez, vous démontez alors, attends, pas. Ouais. Attends, j'essaye. Ouais. Comment non, ça marche pas, c'est l'écran. Il y en a, ils ont déjà le tournevis dans la main. Lâchez le tournevis, allez, lâchez-le. Non, alors, vous allumez, pardon, votre ordinateur. Ordinateur, voilà, sans ce soir. Décidément, t'as du mal ce soir, Daniel. Je comprends, c'est la reprise, j'étais trop fast et trop furious au départ. Ouais, je comprends pourquoi j'ai eu des soucis tout à l'heure. D'accord. Donc, ou alors le téléphone, bah, de toute façon, en général, tout le monde a son téléphone toujours allumé. Vous allez sur www.indestar.fre. C'est important, le freux. Et si vous avez une connexion, vous avez une chance de trouver le podcast. Et de là, vous allez sur la rubrique podcast. Alors, point freux, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est FR, en fait. Hein hein freux. Freux. Voilà, point freux. J'aime bien dire de temps en temps point freux. Il y a point freux, point chleux, point... point 2, point... point 3, voilà. point freux. Voilà. On y revient. Voilà. Et là, au Birac, sur le site Indestar, il y a une rubrique podcast. Oh, c'est beau, ça. Alors, soyons égoïstes. Choisissez la bonne émission. Voilà, soyons égoïstes. Allez sur Peak Avenger. Hein. Bon, ceci dit, vous avez le droit d'aller sur les autres quand même. Hein. Oui, mais enfin, moins longtemps. C'était sûr. Mais il y a une autre rubrique aussi sur le site. Ah bon? Il y a la rubrique Twitch. Ah, oui. Là, vu qu'on est en live, on va en profiter pour faire de la pub aussi, quand même, un petit bah, peu. Bah oui, et là, ça marche pour tout le monde. Hein. Vous n'avez pas obligation de choisir. Si vous voulez voir un cochon et un truc jaune... Alors, là, il y a le truc jaune. Et là, il y a le cochon. Voilà. Alors, le truc jaune... Le cochon, pardon. Ah, on voit deux têtes de cochon. Ouais, dont un plus gros que l'autre. Voilà. Le cochon s'appelle Weber et le truc jaune s'appelle Picard. Je crois qu'il y en a même une troisième derrière. Ça dépend. Voilà. Alors là, on te voyait plus, Daniel. C'est pas grave, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Le cochon. Le cochon. Donc oui, donc, n'hésitez pas à venir. Il y a toutes les émissions en live aussi. Vous pouvez participer avec nous sur le chat. Complètement. Ou si vous ne voulez pas participer sur le chat, vous pouvez nous appeler au 09 70 407 306. Ça dépend si vous aimez les chats ou les chiens. Non, les chats. Non, nous allons prendre l'accent. Les chats ou les chiens. Non, parce qu'on ne dit pas les chats, les chats. Vous pouvez caresser votre chien en écoutant le chat. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et justement, pourquoi je parlais de ça, c'est qu'à la fin, nous, de Pika, il y a un jeu à chaque fois. Donc vous pouvez jouer avec nous aussi. Complètement. Un petit peu d'interaction. Voilà. C'est ça. Alors, avoir du joujou. Oui. Là, j'ai trouvé un jeu. Oui. Vas-y, Daniel. Je ne sais pas s'il va être Fast and Furious. Oui. Mais qui est dans l'esprit Fast and Furious. Ah. Comme je disais tout à l'heure, bah, je me répète encore. Beau châssis, belle carrosserie. Ah. Ouais. Donc je vais vous donner des. Avec le grand sourire en plus, voilà. Hein, évidemment. Sourire illustrant ou lustré. Alors, je sais que Thierry va avoir du mal sur ce jeu-là, mais tant pis. Comme d'habitude. Mon cher Claude François. Mais on a quand même donné des noms de personnages depuis le départ. Oui, puis j'ai encore la fiche. Je peux peut-être trouver. Peut-être. Donc, je vais vous donner des modèles de voiture. Oui. Et il va falloir me dire qui l'a conduit. D'accord. La voiture. Alors, ce que je te propose, même à la limite, c'est que moi et Thierry, on soit en équipe pour une fois, pour changer. Ouais. À la limite. De toute façon, que mon compte pour les points, vous pouvez être en équipe. Ouais, mais comme ça permet de changer aussi. Et vous pouvez discuter en plus. Voilà. Ah. Discuter bagnole. Bon. Je vais appeler mon beau-frère. Pourquoi pas. Voilà. Donc vas-y, Daniel. On va commencer par quand même quelque chose d'hyper simple. Oui. Une C3. Non, il n'y en a pas dedans. Il n'y en a pas, mais il y a... Oui, il faudrait y penser pour la dixième. Voilà. Si je dis, alors là, je sais que tout le monde tout le monde, surtout Kevin, va répondre. Oui. Si je dis Nissan Skyline GTR. Ah bah zut alors, je sais pas. Ça non. Peut être R34, R35, parce que ça a évolué. Oui, il y a plusieurs modèles. Et... Ouais. Et alors, juste avant, j'en profite, Tartman, si tu veux jouer avec nous, n'hésite pas, on joue avec les voitures de Fast and Furious à ouais. qui elles appartenaient. Voilà. Donc là, tu as la Nissan Skyline GTR. Voilà, alors Tartman. Bah déjà, bonjour, vu que tu nous dis bonjour quand même aussi. Ah, oui. Donc... ah, viens de venir, bonjour. Ah, c'est gentil ça. Et bonjour, tu conduis quoi comme voiture, toi, Tartman? Bah, je sais pas. Ou... Ah, c'est vrai que oui, il peut nous répondre. Ouais. Donc, déjà, pour répondre, bah, c'est Brian O'Connor qui l'a, donc Paul Walker. Absolument, oui. Couleur gris-bleu, même. Oui, alors... Dans le 2. Il y en a une, alors j'ai noté en détail, au cas où il y avait besoin, j'ai trouvé le bleu tellement beau, je l'ai appelé bleu magnifique. Alors ça, c'est dans le... Ça, c'est dans le 4. Et Tartman nous répond, il n'a pas le permis, malheureusement. Ah. Oh, bon, on peut faire plein de choses que de conduire. Hein. Bon, on peut déjà bien se conduire. T'as le droit de conduire sans permis, mais t'as pas le droit de te faire choper. Hein, c'est pour ça, écouter oui. une des stars, t'as pas besoin de permis. Voilà, non mais c'est une mauvaise blague que je viens de dire parce qu'on va me reprendre. Ça tombe bien, on t'a pas écouté, Daniel. Voilà, ça tombe très bien. Ah, tiens, on va tomber sur... Ah si, et tiens, j'en profite aussi. Tu as raté Mickey tout à l'heure, Tartman. On a eu Mickey sur Indestar. Il réécoutera le podcast. Voilà. Bah, bien sûr, voilà. Ça te donnera l'occasion de réécouter le podcast. Mickey, voilà, tu réécouteras 2 heures pour 10 secondes. Eh, bah ça, oui, c'est rentable. Parce qu'il faut trouver où c'est. 25 secondes. Ah, ouais. Voilà. Bah, tu vois, non, mais c'est tellement fast. C'est ça. Voilà. Ça a été fast. L'intervention a été fast. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre comme... Ah tiens, la Mitsubishi Eclipse Spider. Mitsubishi Bichou. Bah, je précise. Hein? Oui, vas-y. Alors, il y a Spider, araignée. Voilà, je précise, c'est une décapotable. Oui. Bah, je sais qui c'est. Donc. Ça doit décoiffer, ça. Bah oui, ça non. décoiffe, ça, alors, c'est une voiture. Indice pour Thierry, je vais lui laisser répondre, c'est la même personne que celle d'avant. Oui, alors, je suis incapable parce que j'ai pas enregistré. Attends, je réécoute le podcast non, et je reviens. J'en ai parlé tout à l'heure. Là, ah, si tu m'as dit Paul planté. Walker avant. De quoi, Daniel? Je crois que c'est Brian. Bah oui, c'est Brian. Non, non, mais ce parce modèle-là. Que je suis en train de lire la réponse Attends, de Tartman. La Spider. Eclipse Mitsubishi. Allez, dans Fast and Furious 2. Ah, dans le 2, donc c'est Roman. C'est mais Roman Pierce, oui. Dans le 1, il y en a une aussi qui est conduite par Brian. Oui, complètement, oui. In the kitchen. Voilà. Et justement, mais... Tartman nous dit Brian mais, aussi. Mais attention, c'est la GSX. C'est la GSX, la ouais. orange? Ouais. D'accord. Voilà, c'est pas la même. Hein. J'ai bien précisé le modèle. Hein. On D'accord. va finir dans Starter. Donc là, c'est Roman Pierce, par contre, dans le 2. Complètement, oui. La Porsche Cayman, alors je pense qu'on dit T-Chart ou T-Cart, elle est gris clair. Cayman, ça donne un peu de furieuse. Allez, je vais être gentil, c'est une femme. Ouais, c'est dans le 4. On la voit dans le 4, oui. C'est celle qui mène la discorde là entre les deux que vous avez dit tout à l'heure. Non, c'est pas celle-là, non. Mia. Non. Ah, donc Letty. Non, elle n'y est pas longtemps, elle meurt malheureusement. Donc c'est Letty. Non. Non, Letty, elle n'est pas morte. Bah dans le 4, on ouais, voit... Oui, mais après, non, mais elle meurt réellement dans la série, elle. Non, mais tu me dis dans le 4, on voit que deux femmes. Ah non, c'est l'autre. Mince, comment elle s'appelle? Voilà, qui est au service de bragage, j'allais te dire. Alors non, moi j'ai Gisèle, la copine à Anne dans le 5. Bah c'est pas dans le 4 alors. Ah j'ai eu l'erreur dans mes notes alors, excuse-moi. Donc Gisèle, donc dans le 5. Okay. Voilà, voilà. Je vais passer à laquelle maintenant? Comme tu veux. Tiens, en parlant de... Alors là il y a un piège. En parlant du 5. Oui. La Dodge Charger Poursuite. C'est pas un personnage en fait. C'est pas uniquement. C'est une voiture autonome. Non, là, il y a un piège. Là, je suis pas sympa. La Dodge Charger Poursuite. En fait, il y en a plusieurs. Bah, c'est Anne, Roman. Brian ou... Non. Si, Brian. Toretto. Tartman. Dans Fast and Furious 5. Oui, c'est le groupe qui conduit toutes les voitures. Avec le coffre, là. Oui, voilà. j'en ai oublié un. C'est voilà. celui-là qui gère le garage dans le 2. Voilà. Je sais plus comment il s'appelle, j'ai mangé son nom. Tej, voilà. Voilà. Oui, d'ailleurs, Dodge Charger, il y en a une autre. Hein, mais bon, ça, c'est celle du père de Dom, donc je suis pas... Oui, ça, c'est la... Voilà. Est-ce que tu connais le modèle de la voiture du pas gentil de Johnny Tran dans le premier? Celle-là, j'allais pas la rater avec ton maillot. Oui, c'est une Honda. Ouais. Honda Man. merde. Je connais le modèle en plus. C'est ça le pire. S2000, il me semble. Ah, t'es balèze. Là, t'es balèze quand même. Là. C'est pas mon domaine. Non. Bah, c'est pas le mien non plus de base. Ouais. Mais là. Là, quand même, je suis épaté parce que franchement. Ça se voit. Oui, c'est pas celle que la plupart des gens retiennent quand même, loin de là. Je me suis dit, je vais le piéger, et ben non, même pas. Tu vois, par exemple, Tartman nous dit, ah oui, la S2000, je retrouvais pas le modèle. Ouais. Alors, on parlait de voitures qui... Bah, qui faisaient un peu tâche, même si ce sont quand même des bonnes voitures aussi, mais bon, oui. Quand tu vois le niveau des voitures autres. Et des autres. Il y a un moment donné, dans le 6... Une Alfa Romeo Giulietta. Oui. Rouge. Ouais. Voilà. Alors, a fait quand même 235 chevaux. Mais bon, quand tu vois les monstres qu'il y a à côté... Oui, c'est pas... Ça fait un peu... un peu léger. Dans le 6, hein. Dans le 6. Qui l'a conduit? Quand je pense à tout ce que je vous ai dit sur le 19e siècle, j'imagine. Ouais. Si on pouvait retourner à l'époque, mais non, mais même avant, le pauvre roi, là, avec son édit. Alors, je sais pas pourquoi, mais je dirais bien chaud. Non. Et non, c'est froid. C'est pas chaud. Non, en fait, c'est Paul Walker qui l'a conduit. C'est la voiture familiale qu'il a? Bah, c'est une familiale, oui. Oui, c'est... Ouais. Ah, donc oui, c'est bon, je vois c'est laquelle. Cette place. Toujours dans le 6, oui. Une Dodge Charger Daytona. Elle est noire avec l'aileron rouge, d'ailleurs ça fait bizarre, mais bon. Avec un aileron énorme. Oui. Tu en as parlé il n'y a pas très longtemps. Après, je vais être plus sympa sur mes questions. Je dirais Toretto. Non, c'était je. Ah, c'était je ? Ouais. Ah, tu vois, Tartman aurait dit Vin Diesel, donc Toretto aussi. Ah, bah, vous avez perdu. Et dans le 6 ? Ouais. Oui, dans le 6. À moins que j'ai des erreurs dans mes notes, hein, parce que. Bah, il me semble. Je n'irai pas vérifier. Non, mais comme des fois, je rappelle, on est tous bénévoles et des fois, faut aller vite. Donc, forcément, oui. Voilà, tant que je peux m'être trompé, mais bon, d'après. Et avec le nombre de films, le nombre de voitures. Ouais, c'est ça. Vu que mine de rien. Avant de passer sur une question plus facile... Ah bah ça y est, il continue. Enfin, plus facile façon de parler. J'ai parlé d'une voiture qui allait s'encastrer dans le yacht, dans le bateau de Vérone. Ouais. Quel est le modèle? Oh putain. La couleur, éventuellement, tu te bleu. Rappelles? Vert foncé, donc bon, t'es pas très loin quand même. Et après la cascade. Il y a même une bande blanche sur le côté, d'ailleurs. Allez, c'est une marque américaine. Tu la vois vert foncé? Bah, c'est marqué vert foncé, moi, sûr, mais... Vu que c'est orange et bleu, les deux. C'est pour ça, c'est... Bah. Pour les daltoniens... Ouais, ça peut. C'est peut-être un daltonien, alors qu'il y a... Comme marque américaine, bah, je dirais Plymouth. Non, c'est une Chevrolet. Ah, bah, j'avais une chance sur deux, je crois. Dans ces cas-là, je me dis vive la télé noir et blanc. Ouais, c'est ça. Chevrolet Camaro. Allez, on va faire plus Camaro. Simple. Ouais. Tu peux me citer des voitures conduites par Paul Walker dans la saga, on va dire? Subaru WRX, il en a une dans le 4. Exact. Nissan Skyline GT-R 5SP. Oh ouais, pas ça. Évidemment. Nissan Skyline, il y en a même plusieurs, il y a aucun problème. Mmh. Mitsubishi Eclipse, justement dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est sa première voiture d'ailleurs qu'on voit. Ouais. Il a beaucoup de japonaises. Après les modèles, je pourrais pas te les retrouver. Il y a par exemple une Toyota Supra Turbo TRD. Oui, ça doit être la orange. Qui est une voiture à lui. Ouais. Personnelle. Et donc c'est apparemment dans le 7 et qui est conduite par son frère à la fin pour la scène de fin. Alors non, c'est pas celle à laquelle je pensais. Donc je pensais à la voiture orange qu'il a dans le 1 qui ramène à Vin Diesel en disant tiens, je te devais une voiture. Ouais, alors je les ai peut-être pas toutes non plus. Y a une Mitsubishi 3000, une Lancer. Ouais. Aussi un Mitsubishi. Oui. Lancer Evolution 7. Ils ont l'air de bien aimer les Mitsubishi quand même dans Fast and Furious. A priori. Il y a Subaru Impreza aussi. Oui, une Impreza, ouais. Oui, WRX. C'est la WRX, ouais. Donc. Il y a un Hummer. dans un... Ouais. Ouais. Allez, on va pas toutes les faire. Dominique Del Toretto. Dodge Charger 69, ah bah évidemment. Celle-là, oui, celle-là, on peut pas la rater, en effet. C'est oui. celle qui a, au ouais. début, l'ouverture sur le capot et qui a les triples... Voilà, qui s'appelle un... Ça a un nom, je crois, c'est un scoop, ça s'appelle. Je sais plus du tout le nom. Ouais, ouais, là, il je semble pourrais que pas c'est ça. Si quelqu'un pouvait nous le confirmer, et ce serait pas mal. Il y a également une Dodge Charger de 2018. Ouais, il y a plusieurs Dodge Charger, en fait, de voilà. toute façon. Hein. C'est pour ça que, bon, je prenais les deux. Mmh. Alors là, on peut voir Thierry qui... montre un truc. Alors, je ne sais pas si vous voyez, attends. Il y a écrit le jeudi. Eh bah, tiens, Daniel, vas-y. On voit mieux ? Oui, on voit mieux. Le jeudi, je suis plutôt moqueur. Donc, il y a ça. Donc, pour Toretto, après, bah, il y a, donc tout à l'heure, t'en as parlé, les voitures en course-poursuite aussi qu'il a. Donc, j'ai plus le modèle, mais. Ouais, alors on peut situer... Alors, il y a quand même japonaise avec Mazda RX-7 et Honda Civic. Oui, Toyota dans le 1. Toyota Supra aussi. Oui. Hein, autrement, c'était quand même surtout de la grosse américaine. Oui, hein. Bah, c'est justement le paradoxe qui a été fait entre Brian qui... qui adore justement les voitures japonaises ouais. et Vin Diesel, donc Toretto, qui adore les grosses américaines. Ouais, et j'ai surtout noté une qui est quand même cotée, je veux dire, aux États-Unis. Oui. Il y a une Plymouth Roadrunner. Ah, celle qui fait bip bip quand tu klaxonnes. Voilà. Elle est trop bien cette voiture. Le Roadrunner, ça rappelle, oui, effectivement. Justement, oui, justement, il y a le clin d'œil, justement. C'est là le gag, quand t'appuies sur le klaxon, c'est pas un klaxon normal, c'est un klaxon bip bip. Ouais, ouais. C'est pour ça que je la connais, cette voiture. C'est un gag. Complètement, complètement. Il y a aussi une Buick, donc Chevrolet. Ouais. Tu vois, Tartman la connaît aussi, la voiture. Elle me dit, oui, j'adore cette voiture. Moi, j'aime bien Will le Coyote. Et justement, tu fais bien d'en parler parce que c'est en référence à Will le Coyote, ah oui. Qui s'appelle la Roadrunner. Ouais. On a parlé de Letty. Allez, on va finir avec Letty là pour le jeu. Tu connais certaines de ces voitures ou pas? Alors, je pourrais pas te dire les noms. Ouais. Mais oui, il y en a pas mal. Dans le 1, elle a la même voiture que les trois autres pour aller voler les camions. Je ne sais plus c'est une quoi. Je crois me rappeler. C'est des voitures noires. C'est pas des Honda ? Si, il me semble. Pas Honda Civic ? Possible, je pourrais pas te dire le modèle là par contre. Ouais, il me semble que ce sont des Honda Civic si je me rappelle bien. Il y a ça. Je l'ai dans les noms de tous ceux qui. Elle a également une voiture rouge dans le 1. Ouais. Alors pareil, je ne pourrais pas te dire le modèle. Alors justement, je parle aussi d'elle quand même. Je vais arrêter le supplice que je te fais faire. Ouais, vu c'est que là... elle, c'est un peu. On la trouve à la croisée finalement de Vin Diesel. Des et deux, de... oui. Ouais, parce qu'elle est aussi bien en Nissan et en Nissan, pardon, et en Honda. En voiture japonaise qu'en muscle car. Voilà, elle a conduit aussi une Plymouth, une Dodge Viper, une Plymouth Barracuda, une Roadrunner aussi. Mm. Voilà. D'accord. Mm. Bah, c'était bien en tout cas. Ouais, et elle s'est rachetée une conduite après Peut-être, mais après avoir fait la conduite, elle a peut-être racheté une conduite. Voilà, donc pour rappel, il fallait quand même en parler parce que ce sont quand même les. C'est l'ADN, comme on dit maintenant, de cette saga. Bah, c'est les voitures, oui. Bah, ouais. Comme on disait tout à l'heure, pour le 8, tu prends notamment, il y en a eu 300. Mmh. Ouais. Oui, alors, je vais quand même prendre 2-3 autres modèles aussi. Vas-y. Quand même. Roman Pierce, par exemple, il roule à un moment donné dans une Chevrolet Monte Carlo. Oui, dans une Lamborghini, il roule aussi. Oui, une Gallardo, oui. Oui, dans le 8, justement, ouais. Où quand on a vu le film, Daniel, ouais. Tu as un petit peu rigolé vu qu'une Lamborghini sur la banquise. Ah, c'est dans celui-là, oui, c'est vrai. Que cet abruti, tout le monde met les chaînes. Ouais. Et qu'il les oublie. Oui, ouais, c'est vrai. Déjà que de base, une Lambo sur la banquise, je ne tendrais pas le diable. Mais ouais. Alors là... Complètement. Mais il conduit aussi des voitures très haut de gamme. Une Bugatti Veyron. Oui. Une Koenigsegg. Oui, Koenigsegg, ouais. Zeg, oui, pardon, oui. Oui. Donc, voilà. C'est... Aston Martin aussi qui conduit. Dans le 8 aussi. Non, je ne sais pas si tu l'as noté, mais... Non, bah, non. Je ne les ai pas toutes non plus. Hein, oui, vu qu'il y en a tellement. Il y en a tellement, ouais. Lui, par exemple, bah, on parlait de différents personnages. Ouais. Roman, c'est un petit peu celui-là qui a les voitures de luxe, un peu qui se la pète. Brian, c'est les japonaises. Ouais. Toretto, c'est les grosses muscle cars. Donc, ouais. Letty, t'en parlais, c'est l'entre muscle cars japonaises. Mmh. Tej, c'est un peu comme Roman, c'est un peu les voitures pour le plaisir, pour collectionner. Ouais. Anne, c'est les grosses super sportives japonaises. Ouais. Mmh. Qu'on le voit assez souvent avec. C'est vrai que chaque personnage a son style de voiture totalement. Complètement. Il n'y a que Mia qui est sur le même style que Brian au final après. Absolument. Mais vu que les deux sont femmes et mari, c'est pour ça que ça passe. Voilà. Ça roule. C'est ça, ça roule. Ma poule. Ma poule, si tu veux. On peut rajouter ma poule si tu veux. Donc après... Je m'y connais plus en poule qu'en voiture. Ah, ça. Oui, oui, je crois, oui, je crois. Je pense aussi. On va écouter une musique après tout ça. On revient juste après. Oui. On va écouter donc Totem. Good. Totem, oui, Totem. Oh, c'est rigolo, Totem. C'est fun. Ah. Donc, Good for Everything. Et comme toujours, c'est sur Indestar. Et on revient juste après, les copains. Les Peak Avengers, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. En tout cas, c'est sur Indestar. Ça, c'est certain. Ah, tu l'aimes bien, hein, celui-là. Bah oui, il fallait en reprendre, hein. Alors je me suis dit, on va le reprendre. Ouais, donc autant m'en reprendre celui-là que tu ouais. préfères. Voilà. Bah oui, Forrest Gump, après tout. Ouh, pourquoi pas, ouais. Après tout, tu as raison. C'est toi qui es aux commandes, donc profite. Ouais. Tu as totalement raison, Daniel. On vit l'instant présent à fond. Absolument. C'est ça. Oui, je vois que tu t'es préparé un petit papier. Bah, d'ailleurs, par rapport, parce que tout à l'heure, on parlait d'une citation, en fait, oui. En cherchant une citation sur le film, moi, je trouvais une qui m'interpellait. Là, je ne vis que pour les 400 mètres d'une course, tout le reste m'est égal, car pendant ces 10 secondes, je suis libre. Et moi, je vis que pour les missions Peak Avengers, que je vis à fond, parce que pendant ces 2 heures, ouais, je me sens libre. Oui. Et je me sens bien avec vous, au passage. Bah, merci, sache que c'est réciproque aussi, ouais. Thierry. Oui, ouais, vraiment, on passe vraiment un bon moment et comme j'ai l'habitude de dire, on espère que vous aussi qui nous écoutez, que nous regardez, passez. Vous aussi, passez un bon moment. Ouais. Mais si vous voulez passer autre chose qu'un bon moment, bah, passez tout court. Oui, passez tout court, oui. Et si par exemple, vous aimez bien tout ça, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous le dire sur le chat Twitch, vu que de savoir que ce qu'on fait ça vous plaît, ça vous en met un peu, pas forcément ça vous remonte le moral, mais que ça vous plaît, ça vous permet de vous échanger les idées, c'est extrêmement bien à entendre aussi et il ne faut pas hésiter à nous dire. C'est gratifiant, sachant qu'on n'a pas eu d'appel, mais parfois on en a au 09 70 407 306. C'est vraiment parfois, hein. C'est ça. Est aussi fait pour ça. Ouais. C'est ça. Finalement, on a plus d'échanges sur le chat que quand on appelle, oui. Ouais, c'est ça. Bah, ça veut dire que c'est bien d'avoir fait Twitch aussi. C'est voilà, ça. Que bah, c'est important à faire. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont sur Twitch, on vous remercie de nous avoir écoutés pour notre prise, vu que c'était notre prise. Oui. Donc, Très Fast et Furious. Voilà. On s'est dit pourquoi pas reprendre sur ça, sur Fast and Furious. C'est et gay. On va continuer l'aventure, n'est-ce pas? Complètement. Bah, tu vois, par exemple, Tartman nous dit, moi personnellement, j'adore écouter les Peak Avengers, c'est très agréable. Et ben, on te remercie de ce message, vu que ça fait extrêmement plaisir. Absolument. Et bah écoute. Et donc, tant mieux. Hein. Vu que tu adores nous écouter, bah semaine prochaine, ça tombe bien, on revient aussi. Oh! C'est pour ça que je disais qu'on continuait l'aventure, mais t'as pas rebondi. Oui, non. Parce que le thème, c'est. Les explorateurs. L'aventure. Oui, explorateur, aventure. Oui, non, mais il a dit continue l'aventure, faut être dans la tête. Non, mais quand voyons. Ça marche pas, ça marche pas. Il a pas eu son médicament. Non, mais tu vois, j'ai fait un compliment avant, ça il faut pas, quoi, tu vois. Mais mieux, voilà. Mieux, je sais pas quoi dire. Donc, oui, donc on se retrouve bah, semaine prochaine, même heure, 21h, 23h, voire un peu plus tard si on dépasse. Ça dépendra de notre envie aussi, quand même, un petit ouais, peu. Vu que là, on est totalement à l'heure. Oui, on est la reprise, on a dit faut être cool. Ouais, faut être sage. On est un peu Fast et Furious, voilà. Donc, voilà. Après, on va s'arrêter. Donc, on va vous laisser sur Julia Weslin, Wake Up. Wake Up, il faut se réveiller même derrière ouais, du Fast and Furious. Donc, on remercie Twitch d'avoir été là avec nous ce soir. Et puis, bah, gros bisous, à la semaine prochaine pour notre émission Aventurier. Des bisous Star, tout le monde. Évidemment. Salut, salut. Salut. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.